ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les écrits de la montre qui tournent, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur dans ton sanctuaire. Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, oh, oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. J'oublie les aiguilles. J'ose croire que nous allons tous oublier les aiguilles de la montre du travail, des occupations ménagères aujourd'hui pour être dans la France, dans la sainteté. Le seul baranté de Paris, le frère Yannick, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour mon frère Junior, bonjour, bonjour. Que le Seigneur te bénisse, comment tu vas ce matin? À la gloire de Dieu le Père. Il a encore fait au quoi? Au nom de Jésus, je vais bien. Amen. Le frère Guy Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior. Ça fait longtemps, ne me dis pas que tu passais à la session d'été. Ça va? Ah, tu étais au rattrapage, hein? Comment? Tu étais au rattrapage, ce sont des rattrapages? Non, non, c'est maintenant, je viens dans la France de la Saint-Étienne, dans la session de rattrapage. Ah, c'est la session de rattrapage par ici aujourd'hui. Ok, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu vas bien, n'est-ce pas? Amen, amen. Du côté de la Chine, le frère Saria Dilia Olivier, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom, shalom, shalom, bien, frère Junior. Mm-hmm. Un bonjour particulier à ton épouse qui se trouve à côté de toi. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Du côté de Bordeaux, le frère Willy, la famille Willy Landreau, bonjour et bienvenue. Le temps que le frère Willy Landreau cale ses positions. Le frère Oswald, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi le frère Oswald, je ne sais pas de quel coin il se trouve. Est-ce que tu es en France? Parce que tu as des problèmes de connexion depuis la dernière fois. Bonjour, bonjour, shalom frère Junior. Oui. Oui, je suis bien en France, je suis à Corbeil-Essonne. Nous sommes rentrés des vacances. Oui. Oui, j'ai des problèmes de connexion parce que l'ordinateur que nous avons... Je sais pas, ça, un problème de micro. Donc, le micro doit avoir un problème, on ne le savait pas. Oui. Raison pour laquelle, pour le moment, on est obligé, j'ai utilisé le téléphone. Le téléphone, donc, oui. En attendant, résoudre ce problème-là. Oui, en tout cas, de toute façon, quel qu'en soit le cas, l'essentiel, c'est que tu écoutes et que tu participes dans l'esprit. Amen. Et physiquement. Que le Seigneur te bénisse et amen. Bonjour à madame également. Amen, amen. Mm-hmm. On va de quel côté maintenant? Celle qui est convenue maintenant d'appeler madame Niaoré. J'espère qu'elle est bien prononcée. Madame Niaoré. La sœur Kelly, oui, Yankolo, shalom. Bonjour. Shalom, shalom, bien-aimé. Vous ne pouvez que tu es madame Niaoré. Parle-nous comme un Ivoirien. Comment ça se dit en Côte d'Ivoire? Parle-nous. merveilleusement bien, tout s'est très bien passé. Mm. Vraiment, l'hospitalité était là, les bien-aimés, l'amour du Seigneur. Mm. Donc, très, très bien. Mm. Tu étais à Bobo? Non, à Yopougon. Enfin, j'étais à Moré. Oui. Et ensuite, voilà, l'assemblée, c'est à Yopougon. À Yopougon. Mais quand, oui. Parle un peu comme une Ivoirienne. Alors, tu es désormais Ivoirienne, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux avoir cet accent-là. Mais tu es madame qui déjà? Niaoré Serge Dalé. Niaoré, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Où est le frère Guy Richard? Guy Richard, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce en Ivoirien? Très très bien, Niaoré. Niaoré, c'est ça. Alors la sœur Kelly, je crois qu'à la fin de cet enseignement, il faut que tu mettes une musique dédicace pour toi et pour ton mari, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Qui est-ce que j'ai amen, pas vu merci. Ici? Le frère Benjenit qui vient tout juste d'entrer là. Bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior et bonjour également à tous les frères et sœurs. Mm-hmm. Tu n'es pas arrêté, on est encore à l'introduction salutaire. Salutations. Amen. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Je n'ai pas oublié quelqu'un ici, n'est-ce pas? Le frère Pierre Moua, bonjour et bienvenue dans la France à la sainteté. Le temps qu'il prend son micro, là. Le frère Willy Landro du côté de Bordeaux, bonjour. Et bien positionné, bonjour. Bonjour, shalom. Ça, c'est frère Pierre Moua maintenant, avec le retard, oui. Comment tu vas? Je vais bien. Vous me voyez bien, n'est-ce pas? Je ne veux pas trop intervenir parce que je suis au travail, là. Oui, dans ce cas, coupe le micro. Le bonjour était suffisant, mais donc tu restes seulement à l'écoute, n'est-ce pas? Le micro de Willy Landro est ouvert. Le frère Willy Landro, bonjour, du côté de Bordeaux. Bonjour frère Junior. Oui, comment tu bonjour vas? À tous. Oui. Ça va. Je suis en voiture. Ok. Aujourd'hui, on verra pas ma vidéo, mais je parlerai très très peu. Oui. Voilà. Il faut que tu te concentres justement sur le devant. Tu sais, 135 euros, c'est les violations, n'est-ce pas, de code. Amen. À tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dernier, pas le moindre, c'est du côté de Véry Châtillon. Le couple Ngabo, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Julien, shalom à tous les frères et sœurs. Ça c'est Abraham qui vient de parler. Bonjour. C'est Abraham. Bonjour, shalom à tous. C'est Abraham qui vient de parler comme ça. Quand vous voyez Abraham parler, vous pouvez voir comment il sourit sur les chaînes de Mamre. Et vous voyez tout juste au-dessus de lui, vous voyez les feuilles de la chaîne de Mamre. Vous voyez, n'est-ce pas frère? Et comme ils ne sont pas seuls cette fois-ci, la sœur Julie, félicitations. Merci frère. Eh bien, et nous allons dire tous ensemble, si vous le souhaitez bien, si vous le voulez bien, mes frères bien-aimés, nous allons dire un bonjour et bienvenue sur terre au petit Isaac. Et que nous allons chanter ce cantique, que sa mère trouve en lui un soutien. Vous êtes d'accord avec nous, n'est-ce pas? Amen. Dédions-lui ce cantique. Nous allons lui dédier ce cantique-ci. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cet enfant. Voilà. Bienvenue sur terre, enfant que Dieu a béni. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien, et ton père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie, que tu

l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte transforme en son image et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image. Et guide ton pèlerinage. Que la grâce et la paix soient multipliées pour notre bien-aimé Isaac. Isaac qui est arrivé. À toute sa famille et à Abraham. Ah ouais, mais qui chante comme ça là? Je crois que... voilà. Je crois que le frère Iba doit devoir publier ces cantiques-là sur Bamba Iba comme ça. Les enfants chantent comme ça, c'est pour eux. Vous voyez? Alors, la sœur Sarah, nous convenons que la sœur Sarah se porte bien. Donc, pas, sans inquiétude. Pas vrai, frère? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons vraiment un merci. Bonne arrivée à notre bien-aimé Isaac. Que le Seigneur guide effectivement son pèlerinage. Nous prenons une respiration musicale et nous revenons tout juste après. D'accord, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vois le frère Yannick a déjà préparé ses questions. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Mokote, ako kanina yo. Mokote, ma wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Sive te kwa na na na nge Mon sive te kwa na na na nge. Voilà, voilà, voilà. La France dans la sainteté, rebonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Installez-vous confortablement ce dimanche. Je suis fier d'être parmi vous ce matin. Amen. Et une fois de plus, je suis encadré par des vaillants hommes. Benjenit, le frère Abraham, Olivier, le frère Yannick, le frère moi. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est-à-dire que si on me pose des questions, il y a des hommes prêts à répondre. Et je vois Yannick, notre frère, qui profilait déjà ces différentes questions. Alors, je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Félicitations encore à la sœur Julie. Tu es une brave femme. Tu es digne d'être hébreuse. Amen. Alors, je suis à votre service. La sœur Natou Chantal, bonjour. Elle n'est pas connectée. Oui, elle est connectée, mais son micro dérange. Je crois bien. Il n'en va pas sur mon... Bonjour tout le monde, bonjour frère. Voilà. Bon, ça va? Bonjour bébé Isaac et bienvenue. Voilà. Bonjour. Bonjour à vos parents. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. La sœur Sandra Casimi, bonjour. Je crois qu'elle est connectée. La sœur Sandra Casimi, elle a cliqué sur... On va dire qu'on ne la dérange pas. Salam, mon frère. Je suis là. Ah, tu es là. Salam à tous. Vous allez bien? Voilà. Shalom, ma sœur. Shalom, ma sœur. Bien, par la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service ce matin. Je suis à votre service ce dimanche. Mon frère. Oui. J'avais cette question qui me revient toujours là. Maintenant, 1 Samuel 17 là. Moi, je t'avais parlé de Mika et David. 1 Samuel chapitre 17. Quoi bien que c'est bien, c'est ça, attends. C'est 1 Samuel. Il y a des résonances chez quelqu'un. Ça siffle chez quelqu'un. C'est sur la Saint-Sandrine. Chapitre 18, frère. Chapitre 18, non, frère. Oui, oui. Alliance entre David et Jonathan. Salut, jaloux de David. Voilà. C'est ça exactement. Donc, à partir du verset 17, donc je vais lire. Voilà, le frère Yannick peut lire comme sa connexion est plus. Hein, mon frère Yannick. 1 Samuel 18 à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. 1 Samuel 18 à partir du verset. À partir du 17, hein? Exactement, frère. Ok, je lis au nom du Seigneur. Ouais. Saül dit à David, voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée Merab. Sers-moi seulement avec vaillance. Et soutient les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je ? Et qu'est-ce ma vie ? Et qu'est-ce que ma vie ? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsque arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. Il en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'ils avaient répondu à David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. C'est bon, frère, merci. Donc, ma question était ici, quand il parle de dot là, oui. Au verset 25. Quand il parle de dot là, est-ce que la dot, on comprend ici qu'il disait qu'il n'exige pas de dot. Oui. Donc, s'il n'exige pas de dot, ça veut dire qu'il était question, la dot se pratiquait, ou alors, voilà, c'est là où je suis un peu troublé. Qu'est-ce que David, qu'est-ce que David dit d'abord, lorsqu'on lui a demandé, lorsqu'on lui a informé David? Oui, il a dit qu'il est un homme pauvre et que est-ce que c'est facile d'être le gendre du roi? Oui. Oui. Alors, c'est ma question? Oui. Oui. Allô? Oui, je t'écoute, frère. Mais pose la question maintenant directement, comme ça les gens puissent bien saisir. Voilà, ma question est que est-ce que la dot se pratiquait? Parce que c'est dit qu'il n'exige pas de dot, mais le 100 prépuces, donc, le 100 prépuces de Philistins, c'était en compensation de la dot ou. La dot se pratiquait déjà avant qu'il dise qu'il n'exige pas de dot. Voilà. Maintenant, nous nous trouvons sous le règne de Saül, n'est-ce pas? Oui. Avant le règne de Saül, il y a eu l'apport. J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Oui. Je ne vois plus mon écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je vous vois maintenant. Là. Il faut qu'il regarde bien vos visages pendant qu'il parle. Alors, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18. Oui. Les Juifs sont sortis de l'Égypte longtemps. Ils ont été dans le désert et Moïse a donné les lois. Et dans ces lois, se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 22, Deutéronome, parlant des dots et les différentes caractéristiques de Deutéronome, chapitre 13, chapitre 22 également. Et Exode, chapitre 22, parlant de la dot des vierges, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'ici, ils comprennent, ils savent exactement que la dot existe. D'accord, frère? Mais longtemps avant, dans le livre des Genèse, chapitre 34, le verset 12, vous pouvez prendre, c'est la première mention de cela. D'accord? Si vous regardez le chapitre 34, c'est prenez la partie du verset 1 déjà, la personne qui a de lire. Avant qu'on avance, je crois qu'il faut qu'on glisse rapidement sur cette question-là pour travailler aujourd'hui. C'est parce que je suis sûr que l'autre a, le frère Yannick a beaucoup de questions aujourd'hui, et le frère Olivier aussi. Quel passage. Notez aussi le livre d'un roi, chapitre 9. Donc la question de notre frère, c'est que, est-ce que ça se pratiquait? En fait, la pratique de la dot, ça se pratiquait. La question, c'est, en réalité, la question devrait être, quand le roi Saül exigeait la dot, est-ce que ça s'exigeait d'un homme pour marier une femme comme ça? De cette façon-ci. Parce que c'est pour la dot, c'est pour la connaissance de la dot. Normalement, il connaissait ce que la dot, puisque la loi de Moïse était là. Quand il lisait Deutéronome 22, et Exode 22, ça se trouvait là-dedans. Donc, il savait ce que ça avait. Donc, il savait ce qu'il en était. Même avant la loi, donc, il y en avait. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors, dans le livre de Exode, de Genèse chapitre 34, verset 1, c'est le verset 12 qui nous intéresse. Verset 12 et 13 particulièrement. Allons-y. Genèse 34. verset 12. Hein? Oui. Genèse 34, verset 12. Exigez de moi une forte dot et verset, beaucoup de prises. Verset 1 d'abord, il faut qu'on commence verset 1 pour savoir de quoi il est question, pourquoi il dit cela. Verset 1 jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 13 même. Dina, la fille de Léa, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'éleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y pratiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Voilà, c'est bon, mon frère. C'est bon. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, vous avez relayé encore le verset 12 maintenant, parce qu'on a compris maintenant le contexte. Verset 12 dit, « Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi aux femmes la jeune fille. » Voilà. Donc, vous voyez effectivement que c'est dans la jeunesse que la chose se passe. De la même façon comme beaucoup de choses seront mises dans la jeunesse et plus tard seront érivées en loi. Vous voyez effectivement que le contexte de la mise en pratique de la dot dans la première chose dans la Genèse était dans le contexte des viols. Et c'est ce qui sera dans la loi. Et dans la loi, vous ne verrez nulle part la dot où il est érigé en fait que quand on va demander quelqu'un à mariage, on va donner la dot. La dot, à chaque fois que ça fait mention dans la Bible, dans la loi, ça fait référence du fait que quelqu'un sera violé avant qu'on va payer cela. Donc la dot, dans la définition de Dieu, devient la compensation de la virginité perdue, du viol que la personne a commis sur la jeune fille qui est vierge. Vous suivez, n'est-ce pas? Et bien plus, oui. lorsque la personne couchait, forçait ses filles couchait, il devait payer sa dot et la prendre pour épouse et il n'avait plus le droit, quel qu'en soit le cas, même si la femme le trompait plus tard, de ne plus se désengager par rapport au lieu de mariage parce qu'il l'avait déshonoré. Donc, depuis la Genèse, souvenez-vous de ceci, c'est que des choses qui se passent dans la Genèse sont plus tard révélées en loi. Les sacrifices qui sont envoyés, par exemple, si vous lisez le cas de Genèse chapitre 4, le cas où Abel offre un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, ce sacrifice sera plus tard élevé en loi dans la Bible. Ce sont les choses qui annoncent les choses. Dieu annonce par ces images-là les choses qui sont censées arriver. Ici, on résout le problème des viols directement, ce qui se passe avec le fils d'Amon. Maintenant, dans le cadre de 1 Samuel chapitre 18, quand on lit cela, on a comme impression qu'en réalité, les parents exigeaient une dot à la personne qui venait de faire. Mais c'est les paroles de David qui montrent exactement ce qu'il en est. Il dit que ce n'est pas facile de prendre, si c'était pour les filles, si on pouvait prendre n'importe quelle fille, les filles n'importe comment, mais les filles de roi ne les prenaient pas n'importe comment. C'est-à-dire que son père avait une autorité sur lui et qu'il pouvait exiger n'importe quoi de quelqu'un. Ici maintenant, le roi Saül exige quoi? Une forte demande. La demande qu'il exige de David, c'est seulement 500 propus des armées philistines. En réalité, ce qu'il exige de David n'est pas une compensation pour prendre sa fille que non. son rôle, parce que la Bible déclare que comme il a vu que les deux s'aimaient, la seule chose à lui de faire, c'était de le précipiter dans la chute. Il savait que pour avoir les propices, vous savez ce que les propices, non? Les propices, voilà, vous êtes trop grand. Alors il savait effectivement qu'en envoyant David pour avoir les propices, vous n'allez pas quand même dire à un Philistin que coupe tes propices, donne-moi. Vous n'allez pas quand même aller lui dire cela. Il fallait tuer d'abord ces Philistins avant de prendre ses propices. Il savait effectivement que pour atteindre le nombre 100, au moins il va mourir. Mais David est parti, il a amené 200 propices. La sœur Diane Esther, bonjour et bienvenue. Ouvrez 1 Samuel 1 Roi chapitre 9, pardon, qu'on est avant, on va lire quelque chose, ça va vous amuser maintenant. La sœur Diane Esther, tu m'entends? Bonjour et bienvenue. 1 Roi, je crois, j'ai dit 1 Roi, n'est-ce pas? Oui, bonjour, bonjour, shalom, shalom. Oui. Tu reviens de la messe, comment tu cours comme ça, ma sœur? Je suis dans un grand ménage. Ok. Ah ben, dans ce cas, si tu es dans le tram, ferme ton micro, comme ça tu les écoutes seulement. Donc, quand tu seras dans un endroit stable, tu pourras participer avec le micro ouvert. Si vous êtes dans 1 Samuel 1 Roi, chapitre 9, lisez-moi le verset 16. Qu'est-ce que ça dit, le verset 16? Je crois que c'est là. Verset 16. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Donc, maintenant, expliquez-moi un peu. Toi qui viens de lire, dis-moi, qu'est-ce qu'on a dit là? Que Pharaon avait donné pour dot sa fille. Qui a donné la dot? Vous lisez la Bible maintenant, vous regardez, vos yeux, vous commencez à froisser le visage maintenant. C'est vous qui a donné la dot là-bas. Il avait tué les Cananéens qui habitaient dans le pays. Puis il donna pour dot à sa fille, femme de Salomon. Oui. Donc la dot, c'est le père qui a donné la dot. Donc. Le père de la fille du Pharaon, le Pharaon qui est, parce que Salomon, vous lisez la Bible depuis le chapitre, là vous allez voir que Salomon va aimer beaucoup plus les princesses, donc les filles des différents rois des différentes nations. Et donc maintenant quand le Pharaon envoie sa fille chez Salomon, il la dote, il dote Salomon. Qu'est-ce que vous en dites? Le frère Yannick dit qu'il ne comprend pas la caractère, que si on le donne, il n'a pas accepté. C'est ce qu'ils apprennent chez les Indiens, non, frère? C'est ce qu'ils apprennent chez les Indiens. Alors, donc vous voyez effectivement que cette dot, si justement, a une origine païenne, n'est-ce pas? Parce que le fils d'Amon, que nous voyons dans le Genèse, d'abord, sont les païens. Parce que vous avez remarqué que la race de Dieu n'a pas exigé quoi que ce soit concernant cela. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? C'est Amon. Quand vous regardez le Genèse chapitre 34, vous remarquez que lorsque on s'est rendu compte que Isaac, enfin, la Dina a été violée, les parents n'ont pas exigé quelque chose. C'est eux qui sont venus. Ils disent, exigez de nous une forte dot. Donc, la connaissance des dots, ça vient de chez eux. Quand ils marchaient, ils n'avaient pas ces histoires-là. Et regarde encore ici, une fois de plus, ce n'est pas Salomon qui a demandé la dot. C'est son papa qui a décidé de donner la dot par rapport à sa fille. Vous voyez, le peuple païen. C'est un peu ces choses que vous allez regarder dans la Bible. J'avais dit, il avait parlé des hurdles. Les hurdles. Les pierres d'achoppement de la Bible. Lorsque vous allez voir les différents types de dîmes, par exemple, je prends ce cas-là particulièrement, vous voyez que la dîme ne se paye nulle part en argent. Mais à un moment donné, donc, ouais, effectivement, Dieu dit que lorsque vous voulez aller dans le lieu où Dieu a fait régler son nom, vous allez remarquer que l'endroit est assez éloigné. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vendez votre dîme. Vous voyez cela? Vous changez cela en argent. Et changer, ça veut dire que vous donnez cela contre de l'argent. Donc, ça veut dire que c'était des matériels. Vous voyez cela? De la nourriture, principalement. Contre de l'argent, vous serrez cet argent entre votre main. Vous voyez? Mais vous voyez donc, effectivement, que la dîme, à un moment donné, se transforme en argent pour se transformer en nourriture plus tard. Parce que lorsqu'on arrive encore. Quoi, au lieu où Dieu a fait résider son nom, on rachète encore quelque chose avec cet argent-là. Vous voyez, chaque chose comme loi dans la Bible a des pièces d'achoppement. Vous prenez le cas du baptême, par exemple. Jésus lui dit, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Les gens viennent maintenant, ils baptisent au nom du Seigneur Jésus. On dit, mais ça veut dire que les deux sont possibles. Vous voyez, alors maintenant, vous prenez la Bible, le cas de la dot, maintenant, vous allez voir effectivement ici. Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire qu'on peut doter l'homme comme la femme. Pas vrai, frère? Oh, maintenant, pour savoir dans ce qu'il en est, la pensée de Dieu est érigée en loi là-bas. Ce qu'il a dit dans la loi, on ne peut pas y ajouter quoi que ce soit. Maintenant, vous prenez le cas des boucles d'oreilles que les femmes portent là maintenant. Vous rentrez dans la Bible, vous voyez effectivement que les hommes et les femmes portent les boucles d'oreilles. Vous voyez, ça ne veut pas dire que comme Dieu écoute, Dieu nous donne des renseignements et puis après avoir eu ces renseignements, là, vous entrez dans sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, c'est que ce qu'il a créé est parfait. On ne doit pas modifier. Donc, la modification du corps est interdite. Donc, que l'homme porte les boucles d'oreilles, la femme porte les boucles d'oreilles, personne parmi les deux n'a le droit de le faire. C'est ce qu'il en est. Donc, il y a des pierres d'achèvement de la Bible comme ça. Alors, le fait, donc, pour répondre à la question, pour passer à autre chose maintenant, le fait que le roi Saül dit à David que, voici ce que tu es devenu pour d'autres. Tu sens propice. Ça ne veut pas dire qu'il y avait cette... Enfin, même s'il y avait cette coutume-là, ça montre effectivement qu'ils avaient accepté et hérité la coutume des païens, comme on vient de voir là, n'est-ce pas? Comme ils avaient en avant, voilà. Comme ils avaient pris aussi le cas des boucles d'oreilles et autres pour l'ornement, alors qu'ils n'en avaient pas. Oui. Voilà. Parce que, frère, oui. Pour passer là-dessus, justement, c'est la pensée que j'ai eue, en fait. Oui. Que ça veut dire qu'ils ont épousé la culture païenne. Oui. Et ils y pratiquaient. C'est là comme on voit comme... À chaque fois, le peuple d'Israël était mélangé avec les étrangers. Exactement. Ça se... Voilà. Exactement. Donc, c'est ça que j'ai... Ou plus, justement, j'avais besoin de mon appui là-dessus. Donc, ce n'est que cela. Donc, vous voyez effectivement que les Égyptiens, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont épousé les cultures égyptiennes au point où ils pouvaient représenter Pharaon sous la forme de Baphomet. Parce qu'ils ont été infestés là-bas. En fait, même avant l'Égypte, vous remontez encore plus haut dans ce livre de Genèse, chapitre 34. On vient de voir comment ils marchaient de lieu en lieu. Au chapitre 35, quand Dieu va se révéler à Abraham, enfin, à Jacob, il va lui dire, monte à Bethel et construis un monument, enfin, un hôtel où Dieu s'est révélé à toi. Quand il va partir, il va se tourner, Jacob dit à sa maison que les gens ôtent les dieux étrangers qui se trouvent au milieu d'eux. Comment chez Dieu, chez le peuple de Dieu, se trouve dans les dieux étrangers? Donc, ils marchaient partout, ils volaient les dieux de là-bas. Ils en passent par ici, ils volent le dieu de telle personne. Ils héritaient cela, les amulettes et les protections. Ils avaient cela, y compris les boucles d'oreilles. Et là, maintenant, il va dire, la Bible déclare donc qu'ils enlevaient tous les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux avec les boucles d'oreilles, les pendants d'oreilles, ainsi de suite. Les anneaux du nez. Où est cela, n'est-ce pas? Donc, ils marchaient avec cela. Quand la fille arrive quelque part, comme Dina, elle s'est promenée, parce qu'elle a tourné son histoire comme ça. Amon a dit que, ça, celle-ci sort d'où? Donc, c'est pour ça qu'ils marchaient, ils héritaient donc des cultures païennes au fur et à mesure en avançant. Il fallait voir Dina. Elle était très belle. Mais, n'est-ce pas, frère Benjamin? Oui, frère. Concernant, par exemple, maintenant Rebecca. Oui. Quand le serviteur d'Abraham est allé justement prendre Rebecca pour Isaac. Oui. N'est-ce pas? Oui. On dit que quand il a fait son plan, oui. Il a mis les bracelets d'or. Oui. Et un sur le nez. Est-ce que ça, c'est. Oui, frère. Crash la question. C'est même comment? Vas-y, pose la question. Oui. Concernant Rebecca, n'est-ce pas? Oui. Quand le serviteur lui a mis les bracelets là. Il a mis le pendant. Oui. Et un truc. Oui. Hein, oui, oui, oui. Un anneau sur le. Oui. Est-ce que c'était déjà. Il avait déjà pris la culture des païens. Ce qui a fait ça? Il a dit c'est le serviteur d'Abraham. Lui, il est de quel peuple? Ah, oui. Il n'était pas hébreu. Ah. On a dit Eliezer de quoi? Ah? Il s'appelle comment? Eliezer de Damas. De Damas. Voilà. Des questions? Crachez toutes vos questions. Je voulais également faire une précision sur le passage de 1 Samuel, chapitre 18. Là. Oui. Et juste ajouter que ce passage-là ne veut aucunement dire que David a gardé son autorité. Oui. Donc, c'est un peu la confusion qui apparaît parfois là-bas lorsqu'on voit la question de demande de doute. Je vois ça. Vous qui n'êtes pas mal. Oui, frère, toi, tu n'as pas de problème. Ce sont les gens comme ça, comme Benjeni et comme le frère Yannick qui ne sont pas encore mariés, qui vont voir pour eux sur la terre ici. Ils vont voir comment confronter la parole de Dieu avec les coutumes. Ça crie. Ça crie chez le frère Oswald. Ouais, je vais arrêter le micro. Hein. Oui, posez-nous des questions. S'il n'y a pas de questions, on ne peut pas voir quelque chose concernant le Saint-Esprit. Non, j'ai une question. Oui. Ce matin, avant que tu n'arrives, on était en train de parler sur l'épargne et l'emprunt. Oui. Donc, la question était de savoir, puisque la dernière fois, il y a la sœur Sandrine qui a demandé si un chrétien pouvait épargner. Oui. Et ce matin, il y a un frère qui a intervenu parlant aussi de l'emprunt. Donc, je voulais vraiment, si on peut avoir des éclaircissements sur cette question-là, l'emprunt et l'épargne. Parce que Comme le frère a dit, nous qui vivons ici en Europe, on ne peut pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire si on n'emprunte pas. Oui. Si on n'emprunte pas. Mmh. Est-ce qu'on peut faire, comme Dieu l'a posé sa question, est-ce qu'on peut acheter, voilà. Donc, si on ne prend pas des éclaircissements sur ça, bien aimé. Merci. Amen. On peut commencer maintenant. Je pose la question d'abord, épargner quoi, emprunter quoi? Par exemple. Bon, quand on parle, dans le... Sinon, quand on parle de l'empreinte et d'épargne, si on voit beaucoup plus sur le plan financier, banquier. Oui. Bon, pour moi, pour selon moi, je ne sais pas si c'est le même cas pour le frère. Ça veut dire que vous pouvez avoir un projet, par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, une maison de 40 000 euros et puis vous allez faire une empreinte bancaire pour pouvoir acheter cette maison-là et mettre en location pour pouvoir restituer, par exemple. Non, déjà pour nous-mêmes, peut-être si on va acheter une maison, et si on ne peut pas acheter, bon, dans la généralité, il y a ceux qui ont leurs apports, même quand tu as ton apport, complet, on va tout te dire, la banque, la règle, c'est le prêt. Pour acheter une maison, même sa propre maison, déjà pas pour le mettre en location, pour y vivre. Alors, lisons d'abord les paroles du Seigneur déjà, et puis on va commenter, pas vrai frère? Amen. Luc chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce questionnement. Je sais que vous m'attendez dans Romains chapitre 13, verset 8. Ne passerez pas par là-bas. Luc chapitre 6. Dès que vous y êtes, vous êtes dans Luc chapitre 6. Lisez les versets 31 à 36. 31 à 36. Alors, Luc chapitre 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Relis encore ce verset pour mon frère. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Oui. Donc, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Ici, le Seigneur Jésus est en train de parler de quoi ici? Il parle du prêt. Du prêt, c'est-à-dire quoi? D'abord, il faut d'abord qu'on s'entende. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens, voilà. Disciples. Aux disciples. Ça, c'est le bon langage. Parce que là, il est comparé aux païens. Pas vrai? Tout à fait. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'il a de dire ici aux disciples du Seigneur Jésus? Il veut faire comprendre aux disciples ici là que vous devez prêter même à ceux à qui vous n'attendez pas forcément le retour de l'appareil. Voilà. Je recommence encore. J'ai noté empreinte et épargne. C'est la question que j'ai notée. Il y a le bruit chez je pense que c'est celui chez le frère Oswald. Chez le frère Oswald. Le frère Oswald. Oui. Voilà. J'étais en train de noter ces deux questions. Nous allons traiter ces cas-là véritablement pour que ça ne crée plus de confusion. D'accord? Et, amen. Et après avoir répondu de la manière biblique, il faut qu'on voit effectivement ce qui nous pousse donc dans ces emprunts et dans ces épargnes-là. Donc, c'est un, l'épargne, enfin, l'emprunt, et puis l'épargne. On sait ce que l'épargne, ça veut dire garder. D'accord? Donc, il faut qu'on touche doucement. Finissons d'abord avec le cas de l'emprunt. Maintenant, prenons deux frères. Le frère Yannick qui me regarde là et le frère Benjeni. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le frère Benjamin a une situation bien donnée. Notez Matthieu chapitre 5, verset. Merci, Père. Matthieu chapitre 5, verset 42. Oui, allons-y d'abord là-bas, lisons et puis on revient. Il va donner l'exemple de ce que tu as dit. En réalité, donc, dans Matthieu chapitre 5, verset 42, enfin, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu reprend ici ce que le Seigneur a dit dans Luc de Luc, en y ajoutant certaines choses pour bien expliquer. Dans Matthieu chapitre 5, donc, verset 42, allons-y, lisons ce que ça dit. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il s'adresse à qui? Donc, il s'adresse aux disciples. Voilà. Donc, ça veut dire que si un frère vient pour te demander quelque chose, mais là, au moins, il n'a pas précisé la personne qui vient emprunter. D'accord? Il n'a pas précisé la personne qui vient emprunter. Mais il a été dit ici que le chrétien ou bien ce disciple est la source d'où on vient emprunter. Il a de lui dit comment il faut gérer cela, pas vrai? Donc il dit tout que à donne à celui qui te demande. Ça c'est disciple. Parce qu'il a dit que il dit que faites à d'autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Parce que c'est la loi et le prophète là-bas en réalité. Et puis il dit ici que si vous faites seulement telle chose, si vous faites ça seulement à ceux qui vous connaissent, alors de quel gré vous sera-t-on? Ça veut dire que si tu es un disciple, tu dis que je fais ça seulement avec les disciples. C'est que tu fais comme les païens, parce que les païens aussi font la même chose avec entre eux. Voilà, n'est-ce pas? Donc ici, ça nous voit effectivement que le chrétien peut et doit emprunter lorsqu'on lui demande, pas vrai? Tout à fait. Maintenant, faisons une apostrophe, on fait un crochet quelque part, n'est-ce pas? C'est très amusant. On y va? Lisez-moi le dernier verset du psaume 15. Merci, Père. C'est intéressant cette histoire de la Bible. Vous voyez, il nous balance partout, il nous amène par ici, là. Mais mettez le doigt dans le livre de Luc, chapitre 5, là. Chapitre 6, là. Frère Benjamin, alors, aime comme ça. Il nous suit seulement partout. Tu as la chance qu'on donne à celui qui demande. Sinon, on allait te demander de taxer pour que tu viennes rester avec nous ici. Il a dit qu'on lui demande le visa. Il donne le visa, mon frère. Il a la chance. On allait demander d'être comme ça. Il a demandé de soutenir ceux qui sont faibles dans la foi. Donc... C'est ça qui est cher comme ça, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Le dernier verset du chapitre 15. Alors, le dernier verset, c'est le verset 5. Oui. Il dit ceci. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Maintenant. Oui, celui qui agite des transactions habitera dans. Regardez le verset 1, puis lis le verset 1, puis le verset 5, parce que c'est une question qui est posée. En fait, il y a une succession. Attendez, je vous explique. Dans ce chapitre 15 des psaumes, le Saint-Esprit veut révéler les styles de personnalités qui entreront dans son sanctuaire. Et il pose une question. La question est posée au chapitre 1, puis les réponses vont commencer à donner. Je crois que comme c'est 5 versets seulement, lisons depuis le verset 1 jusqu'au verset 5. Allons-y. Amen. Ô Éternel, qui se réjouira dans ta tente? Qui séjournera? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité, ça, ce sont les réponses, qui pratique la... Ça, ce sont les questions à cette, les réponses à cette question qui ont été posées. En fait, la voix qui a parlé dans la deuxième partie n'est pas la voix qui a posé la question. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, le prophète est dans la prière. Il prie au Dieu, Seigneur, comment faire pour participer à ton Saint-Thème, à y entrer? Comment faire? Quelle est la condition pour remplir, pour entrer dans ta présence? Et maintenant, le Saint-Esprit lui répond. Ça, à partir du verset 2, c'est la réponse du Saint-Esprit. Allons-y, maintenant, c'est la voix du Saint-Esprit là-bas. Allons-y, frère. Celui qui marche dans l'intégrité, un. Qui pratique la justice, deux. Et qui dit la vérité selon son cœur, trois. Il ne calomnie point avec sa langue, quatre. Il ne fait point de mal à son semblable, cinq. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain, six. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, sept. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, huit. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. 9. Il n'exige point d'intérêt de son argent. 10. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. 11. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Enfin, donc, combien de conditions pour être sûr à 100% que tu es dedans? Combien? 11. C'est le 11e dont nous intéresse. Aujourd'hui, on va parler des langues et des calomnies. On va revenir dans ce même passage-là. Parce que la question a été bien posée, le Saint-Esprit a bien répondu. Alors maintenant, ça veut dire que, juste en effet, il dit qu'on fasse un crochet ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un crochet en balayant le style de fonctionnement de prêt et d'emprunt chez le monde. il faut qu'on résolve le problème maintenant que je te donne mes 5000 euros, tu me rembourses 10 000 euros. N'est-ce pas, frère? Non, ça ne se pratique pas. Pour le chrétien, non. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas aussi facile. Je voulais juste rajouter par rapport à Ézéchiel 18. Oui. Je crois qu'il en parle aussi dans Ézéchiel 18. Alors, vous êtes trop fort. Je vous ai dit que vous allez m'aider. Vous voyez effectivement que vous êtes mes frères. Alors, c'est dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. J'espère que tous ceux qui sont connectés ont, entendent bien ce qui est dit et puis c'est clair pour tout le monde. J'espère bien. Amen. Amen, frère. Que le Seigneur te bénisse, frère. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen. Mon frère a dit. Ézéchiel 18, tout le verset. Tout le verset premier. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils contre l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Amen. On peut continuer? Oui, frère. Notez de te rendre. Oui, frère Olivier, oui. C'est une loi qui a été établie au milieu de frères. C'est pour que le peuple puisse ne pas emprunter à son frère dans ce sens. Ou bien, parce que la fois passée, on avait dit, au moins on peut emprunter avec intérêt. Oui. Donc, seulement pour le frère, la Bible défend qu'on puisse emprunter avec l'intérêt. Donc, c'est ce que nous allons découvrir. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, la question maintenant, c'est que, est-ce que, avec les frères, c'est clair qu'avec les frères, on ne fait pas avec l'intérêt, n'est-ce pas? Non. On va regarder maintenant dans l'autre volume, maintenant, si c'est avec le mondain, ce qu'il faut faire. D'accord? Okay, donc, le ministère du jus. Alors, notez Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 24. Deutéronome chapitre 15. Lisons le verset 1 au verset 11. Deutéronome combien? 15. Verset 1 au verset 15. Verset 1 à 11, pardon. Deutéronome 15. Deutéronome 15, verset 1 à 11. Puis on va aller au Deutéronome chapitre 24. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la loi, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la septième année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui, donne point à regret. Car, à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Voilà. Et vous voyez donc au verset 5 de ce livre de Deutéronome, chapitre 15, Dieu exige et insiste sur le fait qu'ils doivent garder cela soigneusement. Maintenant, nous voyons ici le ministère de la libéralité prôné déjà chez les Juifs et le ministère justement dans ce service de prêts. Il donne la façon dont il faut prêter. Il dit que vous allez prêter à beaucoup de nations, mais vous allez prêter parce que Dieu va vous bénir. Pas vrai? Donc, si vous regardez au sens strict, ça veut dire que le chrétien, lui, il est béni. C'est lui, la source des prêts. Ça veut dire que c'est le mondain même qui devrait venir prêter. Parce qu'il passe ici d'Israël comme nation, parce que la nation d'Israël serait bénie. Au point où toutes les autres nations dépendraient pour tirer les subsistants de là-bas. C'est pour ça qu'il dit qu'après avoir répondu, je vais sortir avec une ouverture spirituelle de cette notion de prêt par rapport aux chrétiens. Donc, gardez bien vos oreilles bien ouvertes. Pour bien, c'est ce qu'il veut dire. Donc, je réponds sur le plan livresque de ce que la Bible déclare. Et on va aller dans la pensée de Dieu maintenant, sur le plan spirituel. C'est que Dieu en pense. Ou mieux, c'est qu'il en est. Voilà. Maintenant, allons dans Deutéronome chapitre 24. Lisons les versets 10 à 18. J'espère que vous allez en noter. Chapitre 24 de Deutéronome, verset 10 à 18. Verset 10 dit, « Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point. En retenant son gage, tu lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers se demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Vous entendez, non? On ne fait que les gens tentent toujours de traiter les chrétiens n'importe comment. Continue, mon frère. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Voilà. On fera mourir chacun pour son péché. C'est bon. Notez également Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 36. Notez. Gardez-vous dans restez dans Deutéronome parce qu'on va lire deux passages là maintenant. Parce qu'on a vu maintenant les prêts, comment Dieu avait régularisé les prêts. Notez Lévitique, chapitre 25, verset 36. Je crois qu'il y a des frères là-bas. Merci que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont écrits ça sur le forum. Lévitique, chapitre 25, le verset 36. Maintenant, ouvrons le livre, comme vous avez au chapitre 24 de Deutéronome, rentrons au chapitre 23 et lisez le verset 19 et 20. 19 dit, tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc ouais, effectivement que ce qui se prête à intérêt, c'est un usage comme ça. Mais Dieu dit qu'il ne doit pas le faire pour son frère. Verset 20. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, stop, mais tu n'en tireras point de ton frère. Donc nous voyons clairement ici, en répondant, le frère Olivier est où là? Il ne le voit pas. Je suis là, bien aimé. Voilà. Donc nous voyons ici, passer vers Deutéronome chapitre 23, verset 29, que Dieu donnait. Donc il y avait l'ouverture pour son peuple, que si c'était l'étranger, il pourrait faire quoi? Il pourrait tirer l'intérêt. Ça veut dire que normalement, c'est ce qu'il a dit. Parce que lorsque vous prenez le livre de Psaume chapitre 15 que nous avons lu tout à l'heure, verset 5, où le prophète a posé la question qui séjournera dans la tente de l'Éternel, qui montera sur la montagne sainte. Et puis au verset 11, il donne le 10e point en disant qu'il ne prête point avec intérêt. Vous remarquez effectivement ici que c'est la désobéissance en prêtant à leur propre frère, pas au mondain. Oui, n'est-ce pas? Parce que clairement, la loi lui donnait le droit de prêter avec intérêt avec ceux de l'extérieur. Pas vrai, frère? Tout à fait. Relis encore le verset 20, encore, mon frère. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Vous avez vu, n'est-ce pas? Notez le livre du prophète, le livre de Néhémie chapitre 5. Vous connaissez la restauration qui a eu lieu parce que les Juifs avaient tellement mélangé la loi au point où la restauration va venir avec Esdras et Néhémie. Néhémie chapitre 5, le verset 7. Je crois que ce qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 23, verset 19, c'est la même chose qui est repris dans le livre de Lévitique chapitre 25, le verset 36 que je vous ai donné. Dans le verset 19 de Deutéronome 23, c'est la même chose qui est dit dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 36. Lire alors maintenant aujourd'hui. Néhémie chapitre 5, le verset combien, frère? Le verset 7. Le temps pour moi de dire bonjour au couple Achille Ngekam du côté de l'île Maurice. Bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. C'est shalom toi. À tous. Shalom, c'est très grave. C'est toi qui es en position aujourd'hui, c'est grave. bonjour. Alors, le frère. De Viri Châtillon voulait lire, Abraham voulait lire. C'est ça? Vas-y, mon frère. Ok. Il a envoyé Eliezer. Verset 7 dit. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Donc, c'est que Néhémie voyait au retour d'exil, au milieu d'Israël, il était scandalisé. Tu vois, la façon dont tu as lu, après quoi qui est écrit dans ce verset-là, se trouve un point d'exclamation, n'est-ce pas? Donc, normalement, tu ne devais pas lire quoi? C'est quoi? Il est surpris. Il est scandalisé. Il est scandalisé du fait que les Juifs prêtaient. Les gars ne voulaient pas entendre l'affaire, là, c'était le business. Parce qu'on avait abandonné la loi de Dieu. C'était au point où les gens ont pris les femmes, les Moabites, et ainsi de suite, les Manzanites. Il était scandalisé. Comme vous allez lire, il a là-bas, il a attrapé la barbe des gens. Pour vous qui avez la barbe, là, il faut que tu continues. Il a attrapé la barbe de un là-bas, tiré comme ça, tapé sa tête que merde. Même le judéen, tu ne sais même plus parler. Et il était scandalisé ici du fait que les magistrats et toutes les autres choses là, les gens l'apprenaient. Tout à l'heure, le frère allait dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 22, le verset 12, c'est la même chose qui est répété parce que Dieu reprochait au peuple juif le fait justement qu'il prêtait à intérêt. Donc le prêt à intérêt, c'est-à-dire l'usure, c'était un grand péché devant le Seigneur. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 12. Prêt à intérêt entre chrétiens, tu veux dire, non? Non. Nous sommes en train de voir ici que Néhémie est scandalisé parce que dans ce verset 7 du chapitre 5 que tu as lu de Néhémie, il dit que quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. À vos frères. Néhémie ne pouvait pas. S'il faisait ça avec les gens de l'Est, Néhémie ne pouvait pas le faire. Ne pouvait pas être contre lui. Parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 25, chapitre 23, verset 20, que vous pouvez. C'est écrit clairement. C'est Dieu qui dit que vous pouvez tirer intérêt des étrangers. C'est pas ce qui est écrit? Oui, c'est ça. Voilà. C'est là. Bon, maintenant je pose la question. Si quelqu'un vous prête de l'argent, 40 000 euros par exemple, vous dites que tu vas rentrer, vous allez remettre avec 5% d'intérêt. Et que le lendemain vous remarquez que la personne est convertie en chrétien, vous faites comment? Mais on laisse tomber, non? Laisse tomber. Ne dites pas seulement, vous savez, c'est simple. Vrai, vous allez laisser tomber. Je laisse tomber, frère. Amen. Ah, mais je vous crois. Je sais que la parole a déjà fait son effet en vous. Oui, le frère Yannick dit que pour lui, il va d'abord dire vraiment s'il est vrai chrétien. C'est ce que tu veux dire, frère Yannick? parce que nous trouvons. Attendez. Parce qu'en réalité, nous nous trouvons dans une ambiguïté. Les juifs étaient juifs. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être juif. Parce que par naissance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et on devient chrétien par nouvelle naissance. Et maintenant, vous vous trouvez dans un endroit où vous dites ok, la Bible me donne le droit en tant que croyant de prêter à un étranger. Toi-même, enfin, un étranger, c'est un étranger du corps de Christ. C'est-à-dire qu'il n'est pas disciple du Seigneur Jésus. Mais il se pourrait que dans 2 ou 3 heures, il devienne disciple du Seigneur Jésus. Et donc, vous avez là conclu une alliance avec le fait qu'il va te verser un intérêt de 10% après qu'il ait emprunté de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, il vient dire, oh, mon frère bien-aimé, Jésus est bon. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras réjoui, mais tu vas seulement penser à ces 10% là qui sont partis dans l'eau. Je serai d'abord réjoui pour une âme de Tu ne dis pas que frère, dans quel moment tu as pris mon argent, c'est quand tu n'étais pas encore chrétien. Vous n'allez pas dire que non. Et quand tu avais prêté, tu n'étais pas encore chrétien. Donc je te considère qu'avant ça, tu n'étais pas chrétien. C'est ça que vous avez fait comment? Non, frère. Okay. Je suis d'abord réjoui parce qu'il y a une âme qui est sauvée. Amen. Je vous entends. Ces questions ne sont pas au hasard. Amen. Le frère Yannick voulait parler. Oui, frère Yannick. Je me posais la question parce qu'il y a un côté un peu paradoxal, entre guillemets, en fait. Parce que dans les sources de bénédiction, j'écoutais un enseignement qui disait qu'il y en avait 4 principales prescrites par le Seigneur. Oui. Et l'étranger en fait partie. Oui. Donc, l'étranger en même temps, comment cette source de bénédiction à laquelle on est censé donner sans. De façon désinvolte, enfin de façon. Non, mais tu vois effectivement qu'il y a étranger, il y a étranger pauvre et étranger qui n'est pas pauvre. Ah, c'est de l'indigent dont on parle. Voilà, justement, parce qu'il a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Mais il dit qu'au milieu de vous, il y aura point d'indigent, d'accord? Ok. Voilà. Alors, on continue. J'ai dit Ézéchiel, chapitre 22, verset 12, je crois. Essayez de prêter l'argent à quelqu'un qui en a dit de prêcher l'évangile. Prêtez toujours. Bientôt, il va croire là-bas. Vos intérêts là tombent dans l'eau. Ça veut dire que le mieux pour le chrétien, c'est de ne pas pratiquer l'usure carrément. Au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il vient de dire que il vous pousse au bout pour présenter devant la sortie spirituelle. Ne commencez pas à entrer de faire business que il ne prête pas aux chrétiens. Il ne prête pas aux chrétiens parce qu'il ne peut pas rembourser. Si je prête comme on est. Vous allez voir effectivement au sorti de là ce qu'il en est. La sœur, la mère d'Isaac, oui. Ça veut dire que si la parole demande qu'on prête aux prêtres chrétiens. Un concept, par exemple, comme celui de ne te moque pas de moi, pardon. Oui. Un concept comme celui de banque chrétienne serait validé, alors. Tu vois que quand tu as posé la question, il n'y a pas rien. Parce que rien, tu devais dire qu'il me moque de toi. Bon, ouais, effectivement, que si nous voulions, mais la question est légitime et c'est bon. Parce que là, nous touchons également à un autre aspect. Parce que dans cette source de bénédiction, première partie, deuxième partie, troisième partie, j'en ai parlé d'une certaine façon. Les banques pour épargner véritablement, je crois que Justin ne voulait toucher l'épargne, il faut que j'esquive ça rapidement. En tout cas, créer une banque chrétienne où le chrétien vient, ça veut dire que quoi que le chrétien vient prendre l'argent sans payer les intérêts. Si c'est un chrétien, vous dites remplissez un fichier ici, vous êtes né de nouveau, on dit oui. Puisque quand les clients entrent là-bas, puisque la politique de la banque, vous allez faire la publicité, vous allez présenter que c'est une banque chrétienne qui prête une preuve à Jésus. Chaque personne va venir dire que je suis chrétien. Vous allez faire comment? Et la banque foncière avec le placement. Si on est comme ça là, si on ferme là maintenant, oui. On arrête, on ferme comme on est là maintenant. Oui. Et on dit on fait ça. Oui. C'est légal. Ça, c'est... ça sera publiquement bas. Les gens vont maintenant venir s'inscrire. Maintenant, vont envoyer leur que junior@yahoo.fr. Ils vont envoyer le truc. Ils vont les joindre là-dessus. Ils vont dire que non, je suis du groupe de la France de la sainteté. Vous allez le refuser, frère. Bah, si c'est un groupe fermé. C'est un groupe fermé. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous, le placement, la banque fonctionne avec la vente des capitaux. Vous déposez 1 million. Quelqu'un vient prêter ce 1 million, on lui dit, ok, toi qui as déposé 1 million, ça produit un intérêt de 0,5% par an. Ça veut dire qu'il prend ton argent, un investisseur vient pour acheter cet argent, il dit, ok, je te vends ça, tu vas me donner avec plus 50%. Celui-là met les garanties des titres fonciers. Il est sûr que si cet homme-ci ne prend pas, ne rembourse pas, avec ses titres fonciers, il peut engager des poursuites judiciaires et récupérer. Donc, à tous les coups, la banque gagne. Maintenant, quand cette personne s'y rembourse, l'argent rembourse plus 50%, il avait convenu avec toi que c'est 0,5% par an. Vous voyez cela? Il te donne avec ses 0,5%, il met dans ton compte. Il a combien, frère, qu'il a gagné derrière ton dos? Donc, c'est la vente de capitaux qui fonctionne. Avec cette vente de capitaux, il faut qu'il paye le loyer, ainsi de suite, paye les intérêts. Et vous ne pouvez pas ouvrir une banque chrétienne sans en être greffé sur les institutions de Bretton Woods, sur le FMI. Ouais. Donc, ça veut dire que vous ouvrez une banque chrétienne, vous devenez une banque chrétienne dans le nouvel ordre mondial. Parce que vous ne pouvez pas. C'est un peu comme si vous ouvrez votre école, vous dites, ah, les écoles pervertissent les gens, les enfants. Ouvrez une école chrétienne. Le ministère de l'éducation a le droit régalien pour regarder de nouveau le programme qui est dit. On dit que dans cette année-ci, avant qu'on vous donne l'autorisation, voici les décrets de travail. Vous devez enseigner ces choses-ci. Voici le programme. Vous faites quoi? Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas, frère? Vous dites, oh non. Comment nous sommes des chrétiens, nous avons fait telle ou telle chose. Alors, continuez comme ça là. Allez ouvrir votre propre mairie maintenant parce que les francs-maçons doivent signer sur votre acte de mariage. Vous faites quoi? Vous dites que non, maintenant je suis le maire, un maire chrétien. Moi, mais ici, c'est les actes de mariage. Parce que les francs-maçons, eux, ils signent les actes. La majorité d'entre eux, les maires sont francs-maçons et les roses chrétiens. Et c'est eux qui signent sur votre acte de mariage en disant, avec leur onction, je vous déclare mari et femme. Et puis, il vient rester entre vous, il filme et vous voyez les insignes là-bas qui sont francs-maçons. Donc, les mariés parmi les francs-maçons. Vous voyez comment le frère Abraham me regarde maintenant, il bouge le pied. On passe sur le de ce monde-ci. Ça veut dire que ce que ça veut dire, comme tu as parlé par rapport à cette épargne, cette style de banque chrétienne, regardez ce que les gens font aujourd'hui avec les orphelinats. Vous remarquez que lorsqu'on a perdu la notion, la façon que Dieu veut qu'on fonctionne, quelqu'un dit, ok, j'ai l'inspiration, il faut que je construise un orphelinat où je vais mettre des enfants. Vous faites ça, vous faites du plus. Arrêtez, les orphelinats font beaucoup plus de mal aux enfants en les gardant comme ça. Vous voyez, parce que à cet instant, lorsqu'on les a mis quelque part, on les marginalise, ils sont marginalisés. Ils ne sont pas libres comme les autres enfants à s'exprimer. Par conséquent, on va faire tout ça. Ne me faites pas entrer dans ces gens, ça me fait du mal au cœur. Demande à frère. Oui. Le système de parrainage est peut-être mieux, n'est-ce pas? Parrainer, c'est-à-dire quoi, frère? C'est-à-dire prendre un enfant et l'éduquer comme ton enfant. Exactement. Ça, c'est ce qu'il faut faire en réalité. La Bible déclare que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Nous devons voir les veuves. Regardez très attentivement. Lorsque les enfants sont dans la rue et au là-bas, il faut faire la vision qu'il faut avoir, c'est qu'il faut que cet enfant se quitte cet endroit pour s'auto-gérer plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas de les embrigader quelque part pour jouer le monde des orphelins ou de la base. C'est pour les marginaliser. Lorsqu'ils sont quelque part, on leur donne les tenues. On leur donne les tenues, ils ont les tenues spéciales. Ça montre clairement qu'ils ne sont pas comme les autres. Or, l'enfant doit se sentir infiltré exactement comme les autres enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. L'aspect de riz qu'on donne, on donne l'éducation, on ouvre les trucs là-bas, c'est bon. Mais la vraie chose que Dieu cherche derrière les orphelins, à ce qu'on fasse dans les orphelins, ce n'est pas le manger et le boire là, non. C'est que l'aspect de la paternité qui les a quittés, qui puisse avoir cet amour, c'est ça que Dieu cherche. Avant que les nourritures là viennent avant. Après, vous me suivez. Il y a quelqu'un qui est sorti de la France, arrive et me dit que frère Junior, comme les mondes ont fait les boîtes de nuit, là, s'il fait une boîte de. Où ça, c'est cette chose-là? S'il fait les boîtes de nuit chrétiennes, est-ce qu'il y a un problème? On joue seulement la musique chrétienne là-bas. Il dit, ah, c'est bon. Là, on vend seulement les jus. Poser des questions, on peut avancer avec ce problème d'emprunt. Ah, en gros, l'orphelin que nous, chrétiens, devons visiter ne doit pas être en pacte, ne doit pas être clôturé quelque part. Si vous visitez cet orphelin, oui. Sachez que vous visitez une institution, vous visitez une vision. Mais si vous voulez faire ce que Dieu dit, c'est des rencontres où ton amour en tant que père doit manifester dans cette vie d'enfant, dans ces enfants-là. C'est ça dont c'est les questions. Si vous visitez un orphelinat, vous visitez une institution. Souvenez-vous de cela. Vous visitez une institution. Parce que quand tu vas, c'est pour donner des dons pour que l'on puisse s'occuper de ses enfants. L'aspect que Dieu a voulu qu'on travaille n'a pas été travaillé. Prendre cet enfant. D'accord. Je peux y aller ou pas? Je ne sais pas si vous suivez. Si tu vas à l'orphelinat, tu donnes 5 sacs de riz ou n'importe quoi que tu puisses donner, on va les donner cela. Mais tu n'as pas visité un orphelin, tu as visité l'orphelinat. C'est ce que ça me dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Il faut visiter les orphelins, pas l'orphelinat. Alors, parce que c'est l'aspect de la paternité, c'est ce qui manque à l'enfant que Dieu veut que ça soit comblé. On dit qu'il est le père des orphelins, ça veut dire qu'il a pris la place du père qui n'est pas là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, ouais, effectivement, qu'il n'y a pas d'orphelinat chrétien, il n'y a pas d'orphelinat. Regardez ce que le Seigneur. Oh mon Dieu, je vais te prendre le Ézéchiel chapitre 22, on va y revenir de ces jours. De toute façon, je crois que dans les sources de bénédiction, j'en ai parlé, j'en ai fait état des sources de bénédiction, première partie, deuxième partie, troisième partie. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 12. Pour fermer donc sur le cas des emprunts, je crois que dès qu'on va lire ça, vous allez d'abord résumer en première partie. Oui. Est-ce que je peux me permettre de greffer un troisième point au thème emprunt épargne là? Oui, greffe mon frère. C'est le concept de tontine. Tontine, bonne question. Tontine. Je note. Oui. Oui. Concept de tontine. J'ai noté. Allons-y, lis maintenant, frère. C'est quel verset? C'est quel passage? Le verset 12. C'est quel. Je ne parlais pas. Comment? Ézéchiel 22. Pardon. Toi, on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par l'extorsion et tu m'oublies, dit le Seigneur Yahweh. C'est-à-dire quoi en clair? Qu'est-ce que Ézéchiel, le Seigneur a reproché au travers du prophète Ézéchiel? Toi, tu reçois des présents pour répandre le sang. C'est-à-dire des présents injustes, non, frère? Oui. Des présents injustes pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt à une usure. Donc, il exige l'intérêt sur ce qu'il prête aux gens. Oui. Tu dépouilles ton prochain par extorsion, voilà. C'est-à-dire la ruse. Oui. Alors, ouais, effectivement, ces choses-là sont. Et souvenez-vous, il parle toujours de son frère, parce que c'est ce qui s'est pratiqué devant le peuple juif. Prenons enfin maintenant le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 1 au verset 8. C'est le verset 8 qui nous intéresse. Proverbes, chapitre combien, frère? 28. Proverbes, chapitre 28. Verset 1 à 8, c'est le verset 8 qui nous intéresse. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables a une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Amen. Relis encore le verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Que c'est clair. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, que c'est clair. Allons-y maintenant, suivre encore. vous savez, suivant ce que nous avons dit, qui est le tassé à peine qu'il a maintenant là? Le frère Olivier. C'est le frère Olivier. Alors, lisons le livre de Luc, chapitre 19. Prenons le verset, on va aller où? Le verset 12 à 23. Merci, Père. Luc, chapitre 19, verset 12 à 23. Souvenez-vous de là, on a commencé dans Luc chapitre 6, donc on va y revenir tout à l'heure. Et puis ça commence à nous entraîner jusqu'à ce qu'on est allé loin là maintenant. Luc chapitre 19, le verset 12 à 23. Le verset 12 à 23. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela six de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas de cet homme, que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et il dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et il dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, soit établi sur 5 villes. En autre vint, et il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas. Déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Qui parle là? Yeah. Qui parle? Le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Lis encore le verset 23. Le verset 23. C'est le Seigneur. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Mais je commence encore. Qui parle? Le Seigneur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Toute votre attention, maintenant, je change l'aspect de la tontine maintenant. Le premier banquier, celui qui a créé la première banque, c'est Dieu lui-même. Savez-vous ça, frère? Si vous ne savez pas, je vais vous donner le nom de sa banque. Et les intérêts qu'il donne. Tout à fait. Il a différents types de banques. Quand vous avez l'institution de Bretton Woods, il a une banque appelée les pauvres. Quand vous entendez la banque, vous entendez cette institution, vous voyez les pauvres. C'est le nom de sa banque. Et les orphelins, les banques. Les veuves. Voilà, les banques de Dieu. Les banques de Dieu sont au nombre de quatre. Quatre institutions dans les quatre. Tu as oublié aussi, frère. Qui? C'est serviteur. Bon. Donc, c'est toi qui as dit là. Ah non, il faut être là. Donc, j'étais en train de dire donc. Ne te détourne pas. Oui. Ne te détourne pas. Il y a ce serviteur. Qui a envoyé le frère, c'est derrière moi. C'est très important. Bon, de toute façon. Les étrangers. Voilà, on va la troisième banque, ainsi de suite. Vous voyez. Alors, vous voyez que Dieu a ses banques sur la terre. Et même. En dehors de cela, vous remarquez effectivement que ce principe du fonctionnement des banques, Dieu l'a déjà institué dans la nature. Vous prenez un grain de maïs, vous avez un terrain. Soit vous mangez ce grain de maïs, ou bien vous prêtez ça à Dieu. Quand vous lui donnez, il prend. Après avoir nourri la terre avec cela pour remuer la terre, nourrir les petits virus et les bactéries qui sont dans la terre. Comme ils ont nourri, ils ont été contents. Il dit à Dieu, Seigneur, bénis cette personne-ci. Dieu te donne ce même maïs-là en multipliant. Vous avez remarqué ça, frère? C'est le principe de la banque, là. Alors, le premier banquier, donc, c'est Dieu. La Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qu'il lui rendra. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Donc ici, Dieu dit à ces différentes personnes-là, de cet homme de haute nationalité, enfin de haute naissance, qui a fait donner les mines à ces différents partisans de faire valoir afin qu'ils reviennent. Vous remarquez que le premier revient, il dit que sa mine a produit 10 mines. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, il dit, cette mine-là se destinait à faire valoir. L'expression « faire valoir la mine », ça veut dire quoi? C'est investi. Donc, investir la mine pour que ça se multiplie. Et la première, que le premier venu dit que ta mine a produit quoi? 10 mines. Le deuxième venu, ta mine a produit 5 mines. Le dernier a dit que non, le type là est méchant. S'il parle là, je perds le marché là, je suis cuit. Il a gardé. C'est à cause de sa méchanceté parce qu'il faut produire, il faut multiplier. C'est le principe de la multiplication. Depuis Genèse chapitre 1, Dieu a donné ce principe là de la multiplication. Allez, féconder, multiplier. Vous êtes deux. Comme Abraham et Isaac, ils sont déjà presque 5. Pourtant, c'était deux qui étaient au départ. Voilà, n'est-ce pas? Dieu a bien investi sur eux. Alors là, ça veut dire quoi concrètement qui peut nous donner le résumé par rapport aux emprunts? Avant qu'on touche le cas des... On glisse sur la tontine maintenant. Pour ma part, j'ai compris que le vrai emprunt ici, là, comme tu as dit si bien... les banques de Dieu, c'est d'abord les nécessités. J'appuie encore sur ses serviteurs. Parce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 42, que quiconque aura donné seulement un verre d'eau à boire à un de ces petits enfants-là, il ne va pas manquer sa récompense. C'est une grande bénédiction, frère. Tu ne vas pas nous détruire de ça, frère. C'est une très grande bénédiction. Et je vais m'adresser aux frères et sœurs ce matin. Amen. Je dis, c'est très important. Parce que la Bible nous dit qu'il veille sur nos âmes. Il prie pour nous. Frère, vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est grand. Les serviteurs que vous voyez là, ils vivent de la foi, de l'évangile. C'est écrit, hein? Ils ne sortent pas du cadre biblique. Ils vivent de l'évangile. Et on peut, on peut résumer ça comme ça, comme le frère Paul le dit, que ne vous lassez pas de faire de bien. Surtout aux frères dans la foi. C'est-à-dire à tous les frères dans la foi. Mais c'est-à-dire à tout le monde, mais surtout aux frères. Laisse-moi développer. Aux frères dans la foi. Laisse-moi finir, frère. Oui. Je t'en prie, laisse-moi finir. Oui, je te laisse finir. Voilà. Je disais ceci, frère. Que le frère Junior ne nous amène pas dans les. L'évangile que vous voyez là, frère. La Bible dit dans Galates 6. Le nom de Galates 6, frère. Galates 6. Surtout si là, le frère Junior ne nous aura pas. Galates 6, frère. Ça, il ne va pas nous échapper comme ça, frère. Imagine encore une autre bénédiction, frère. C'est lui qui est là, qui peut nous... Hey, comment vous croyez que quoi, frère? Galates 6 nous dit quoi, frère? Quelqu'un peut nous lire ça, mon frère Yannick. Galates 6. Celui à qui on enseigne, ça, je parle de... Oui, frère. Vas-y, dis, frère. Galates 6, verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous comprenez ça, frère? Parce que le Seigneur dit dans l'Épître de Corinthiens qu'il a nommé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, évangélistes, tout ça, pour le perfectionnement des saints. Mais il faut savoir que ce qui nous amène à la perfection, ce sont ces dons hommes que Dieu a établis. Et c'est des gens qui ont consacré tout leur temps, n'est-ce pas? Ils consacrent tout leur temps pour nous. Parce que c'est un don qu'ils ont reçu de Dieu. Vous voyez, frère? Est-ce que vous comprenez quelque chose, là, frère et soeur? Tout à fait. Donc, il est important. Hein, amen, frère. Amen. Amen, frère, amen. Amen. Donc, je vous dis, c'est une grande source de bénédiction pour nous qui écoutons la parole venant d'eux. Quand le Seigneur dit ça, parce que c'est les gens qui vivent de la foi, ils sont dépourvus de tout. Si vous remarquez bien, ils ne travaillent pas. Je prends l'exemple sur notre frère Junior. Il ne travaille pas. Sa femme ne travaille pas. Donc, pour nous qui recevons autant de bénédictions sur la connaissance de la parole, pour avoir la connaissance correcte et précise de Dieu, qu'est-ce qu'on fait par rapport à eux? La question, elle est là, frère. Il ne faut pas pas seulement qu'on se retrouve là, on avale. On a dit les uns les autres, c'est un partage. Vous voyez, frère, si lui nous donne la connaissance, en retour, comme ce n'est que ce temps qu'il dispose pour creuser et tout ce que Dieu lui a donné comme consécration par rapport à nous pour le perfectionnement, il est question qu'en retour aussi, nous, on pense à eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tout à fait, frère. Voilà. Oui, frère. Amen, amen, frère. Paul, frère. Oui. Sans vouloir te couper, pour juste te rapporter quelque chose, c'est quand tu vas par exemple dans le livre des Philippiens, oui. L'apôtre Paul ne cesse de mentionner, et dans Philippiens et dans d'autres passages, il souligne le fait que les frères le soutiennent en lui envoyant, le soutiennent dans sa cause, et il remercie ses frères pour ce qu'ils font pour lui, quoi. Oui. Donc, vous voyez, non, frère. Prenons un peu Matthieu, là, vous allez comprendre. Matthieu, chapitre 10, le verset 42. Je tiens à insister là-dessus parce que on est souvent un peu, comment je peux dire, c'est parce que je crois qu'on est un peu mal enseigné de foi. Vous voyez, il faut que ces choses soient, c'est la parole. On n'est pas hors de la parole, c'est la parole. Il faut que la parole soit comprise dans son entièreté. Vous comprenez, non, frères et sœurs? Donc, c'est vraiment important pour nous, je vous le dis. Donc, ça, c'est un côté de la parole, il ne faut jamais voiler ça. Parce que le Seigneur est précis là-dessus. Parce qu'on a tendance, que comme on enseigne la gratuité, les gens... Voilà, les gens croient que non. Moi, si je gagne assez, le Seigneur me bénit. Parce que j'ai la connaissance que le frère m'a donnée. Je commence à respecter la parole de Dieu selon comment je suis enseigné et je suis perfectionné. Le Seigneur commence à prendre plaisir à ma vie et me bénit. En retour, qu'est-ce que je dois aussi faire pour celui qui m'a appris cela, frère? Vous comprenez quelque chose à faire? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Le verset 42 qui nous intéresse, n'est-ce pas? Le verset 42 dit quoi, mon frère Yannick? Matthieu, combien, frère, s'il te plaît? Matthieu 10, le verset 42. Matthieu 10, le verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ah. Vous voyez, le Seigneur dit seulement un verre d'eau. Vous vous rappelez qu'elle a dit que allez et voilà, allez d'abord vers les deux. Si quelqu'un vous accepte, voilà, vous saluez la maison dans laquelle vous avez reçu, mangez de ce qu'on vous met sur la table. Vous voyez, on leur dit de ne prendre ni bourse ni. Parce qu'ils n'en ont même pas d'abord. Vous voyez, frère, ils n'en ont même pas. Donc je voulais vraiment attirer notre attention là ce matin que quand on reste comme ça, il faut qu'on pense à cela. Je ne parle pas particulièrement du frère Junior, ils sont nombreux comme ça. Vous voyez, mais on a la grâce aujourd'hui d'avoir Junior en face de nous. Vous voyez ce qu'il veut dire ou pas faire. Donc, il y a une question à nous aussi. Ce n'est pas que tu peux rester toi seul. Tu appelles le frère, tu fais quelque chose. On n'a pas besoin de crier sur le forum. On n'a pas besoin de fortement. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui le font déjà, c'est très bien. Vous voyez, frère, il y en a qui le font déjà, c'est très bien. Mais j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas parce qu'il prêche la gratuité. Le Seigneur dit, oui, donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est les dons spirituels, frère. Attention. Le frère Junior, si tu es délivré d'un démon, ne va pas te demander de l'argent. On est d'accord ou pas? Ah, c'est clair. Mais maintenant, toi, quand tu restes dans ta conscience, on te dit qu'il ne travaille pas. Il a 3 enfants. Il a une femme à charge et 3 enfants. Qu'est-ce que tu peux penser dans ta tête si tu as le bon sens, n'est-ce pas? C'est quand tu te dis que moi, je travaille, je gagne assez quand même pour subvenir à mes besoins ici. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour le faire, pour ce que je reçois comme connaissance? Oui. Ne nous dérompons pas de cela, c'est important et j'insiste là-dessus. Et là, voilà le crédit que. Voilà, on est en train de communier là maintenant, n'est-ce pas? Le crédit là. Vous voyez, frère, le crédit là. Il ne travaille pas. Ça vient d'où? Parce qu'on s'est même posé la question, d'où vient ce crédit? Le crédit d'Internet, ça vient d'où? Vous voyez, frère? Il sacrifie sa journée, son temps. Le temps qu'il a pour vivre avec sa femme, il met le crédit parce qu'il veut nous enseigner. Parce qu'il se soucie des âmes. Et c'est la mission que le Seigneur leur a donnée. Ils vivent de la foi. Mon frère, si vous savez ce qui veut dire vivre par la foi, je crois que personne de nous ici-là n'est capable de vivre par la foi. Je vous le dis. Restez comme ça, va tendre à Dieu. Tu ne travailles pas. Tu loues une maison, tu vas payer le loyer comment? Pourtant, tu as une maison qu'il faut payer le loyer. Le frère est loue, non? Est-ce que le frère, je lui dis que c'est sa propriété? Le frère loue, n'est-ce pas? Le frère loue. Est-ce qu'on se pose la question, nous aussi, on a le travail. Même certains qui sont au Cameroun, ils ont le travail, ils ont un CDI, ils sont assurés que chaque fin du mois, ils vont payer le loyer. Mais le frère, est-ce qu'il est sûr qu'il va payer son loyer à une fin du mois? Vous voyez ça, frère? Quelle angoisse! Parce que ne parlons pas seulement, voilà, on passe dessus de manière, oui, bon, si Dieu l'a appelé, c'est sa mission, c'est... Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. Quand on est frère, on se soucie les uns les autres. Vous comprenez, frère? Quand on est frère, on se soucie les uns les autres. Junior, c'est notre frère. Et il vit par la foi. De la question pour nous qui recevons la parole, de la question qu'on pense aux frères. Je le dis et j'insiste. On doit penser aux frères. De manière, amen. Le Seigneur dit, j'aime celui qui donne à deux joies. Que chacun donne selon comment le Seigneur a résolu à son cœur. Vous voyez, frère? Ce n'est pas une obligation, mais la bonne conscience, la bonne moralité veut que quand on reste comme ça, on pense aux frères. Vous voyez ce que je veux dire, frère? Amen. Amen. Il nous perfectionne. Il passe son temps mieux, il creuse dans la Bible. Regardez comment on pose des questions, on a enrichi. Vous voyez, frère? Il y a des choses que je ne comprenais pas que par la grâce du frère Junior, j'ai compris. Et que je mets en pratique. Et je vois comment ma vie change. Vous voyez, frère? Amen. Amen. Amen. Non, je tenais vraiment à insister là-dessus parce que c'est très important. Et quand on pose même un don sur le forum, et je voulais aussi insister de ce côté-là. D'ailleurs, on a parlé des murmures. Donc, c'est des choses qu'on a bannies dans notre forum, si on veut vraiment évoluer. Je vous ai dit que quand on communique comme ça, parce que ça, c'est manger quelque part le repas du Seigneur. Parce que là, est-ce que là où deux ou trois sont ensemble, à mon nom, je suis là. Vous voyez, frère, on ne peut pas se mettre là comme ça, à communier ensemble comme ça, et que dans les cœurs, nous différents les uns les autres. Nous sommes tous unis en Christ. Nous sommes un seul corps. Donc, s'il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre avec le membre qui souffre. On est d'accord ou pas? Donc, il faut qu'on comprenne bien cette notion-là pour la mettre vraiment en pratique. Vous voyez ce que je veux dire, non, frère? Donc, maintenant, quand il s'agit, par exemple, voilà, quand il s'agit, oui, frère, oui, ma soeur. Oui, j'avais un petit témoignage par rapport à ce qu'il dit, je ne t'interromps. Oui. Mais le Saint-Esprit voulait vraiment que je témoigne ce dimanche par rapport à ça. Oui. Les murmures ont beaucoup de formes, en fait. Et j'avais réalisé, le Seigneur m'avait mis à cœur, il y a deux semaines, je pense, de soutenir la famille du frère Junior. Amen. Dans mon cœur, j'avais une autre sollicitation d'une ancienne collègue qui avait besoin d'aide. Et j'ai beaucoup mieux, j'ai dit, ok, je vais d'abord aider la sœur qui avait besoin de, je la connais, bref. J'avais pas mal d'autres raisons, mais pour revenir à l'obéissance par rapport à ce qu'on est en train de partager, et j'ai aidé la sœur, mais elle n'a jamais reçu cet argent. Il allait dans l'eau. Et le Saint-Esprit m'enseignait que, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire lorsque le Seigneur nous interpelle sur un point, vraiment de ne pas désobéir, je prends vraiment ce témoignage pour encourager les frères et sœurs. Lorsqu'on reçoit la parole, moi, en fait, ça a été de l'argent gaspillé. Parce que j'ai mis des émotions par rapport à la parole de Dieu. Voilà, les sentiments. Et dans un compte de nulle part, pourtant, j'ai fait la transaction normalement, mais c'est un enseignement que voilà, je t'avais donné une instruction par rapport à la parole, et il n'y a pas d'émotion ni de sentiment. Tout à fait. Aider, voilà, donc, ça a été un enseignement que je peux partager par rapport à voilà, tout ce qu'on dit tout à l'heure. Là. J'ai dit au Seigneur, j'ai compris, c'est une leçon et je vais m'en tenir là. Amen, ma soeur. Amen. Amen. Amen. Ouais, c'est quand le Seigneur conduit quelque chose, vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, c'est très important. Et j'étais en train d'insister sur le sens, dans le sens où, quand on met, par exemple, un don à faire par rapport à telle chose sur le forum, que chacun se sente libre. Vous voyez, frère, on doit se sentir libre. Le Seigneur dit que si le Christ vous a franchi, réellement vous êtes libre. Donc, n'allez pas vous embêter peut-être parce qu'il faut contribuer ou parce que vous entêtez, non. Quand on met, par exemple, que oui, il faut temps pour tel voyage ou pour tel truc, je ne sais pas, ça dépend. Chacun est libre, de manière consciente, est libre de donner. Le Seigneur dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Parce qu'il ne donne pas pour murmurer après derrière. Je ne sais pas si on se comprend, frère. C'est un comportement qu'on doit bannir au milieu de nous. Quand tu donnes, donne avec joie. Que quand tu donnes là, je suis content de donner parce que c'est pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas pour le frère que vous donnez au Seigneur. Ne l'oublions pas. Je peux gagner bien ma vie. Le Seigneur me met à cœur de donner 1000 euros à une sœur. Je donne pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que je donne à la sœur. C'est le Seigneur qui les donne. Vous comprenez quelque chose, frère? Amen. Amen. Voilà. C'est Christ qui fait l'œuvre en nous. Ce n'est plus nous. C'est Christ qui fait l'œuvre en nous. Ne l'oublions pas. D'accord, frère, je tenais à insister sur ça ce matin. Donc, pour éviter les murmures, les médisances, toutes ces choses-là. Quand on met sur le forum, il y a tant à cotiser pour que ça passe ça, chacun est libre de donner. Quand tu donnes, donne avec joie et tu te tais. Tu as quelque chose en particulier à donner aux frères. Tu appelles le frère, tu fais ce qu'il faut faire nécessairement et tu te tais. Sans murmure. D'accord, frères et sœurs? Parce que tu ne donnes pas au frère, tu donnes pour le Seigneur. Et quand tu donnes pour le Seigneur, tu murmures derrière, le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Parfois, le Seigneur peut même te mettre à cœur de donner au frère et ça doit passer par le frère pour aller à une autre personne. Voilà. Donc, parfois, tu donnes même, tu peux donner au frère et ce n'est même pas lui qui consomme cela. Peut-être à l'instant même, il y a quelqu'un dans le besoin que le Seigneur envoie vers lui. Et ce que tu as donné, ça transite seulement entre ses mains pour passer ailleurs. Voilà. Donc, il y a tout cela qu'on doit voir. Ce n'est pas seulement le frère, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi que le frère nourrit. Donc, par rapport à ce que le Seigneur peut mettre à cœur à chacun, ça part aussi. Et puis, par le frère aussi, d'autres personnes, d'autres chrétiens sont bénis, parce que nous ne connaissons pas tous les chrétiens. Donc, parfois, ça passe par le frère pour bénir une autre personne. Donc, c'est un peu ça. On va finir en prenant un passage dans Luc 10. Je pense qu'on peut quelque chose, parce que c'est un passage qui m'a souvent trop parlé. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Parce que je disais, je voulais d'abord vous expliquer pourquoi je prends ce passage. Parce que ça ne sert à rien à un chrétien de tenir la loi dans la main, n'est-ce pas? Et être instruit par cette loi-là et régner cette même loi par ses œuvres. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, frère et soeur. Amen. Donc, si on appelle à pratiquer la parole, à pratiquons-la dans son entièreté. Donc, ça ne sert à rien d'être instruit par des versets, d'être instruit par la parole. Mais maintenant, quand tu es confronté pour éprouver ce que tu as appris, tu régnes cette même parole par ton œuvre. Vous voyez, frère, ce que ça ne sert à rien. C'est une foi morte. C'est une foi qui n'a pas... On a même dans Jacques qui parle. Hein. Si un frère et une sœur entre chez vous, et n'étant pas vêtu, et n'ayant pas de quoi se nourrir, vous laissez aller chauffer vous, habillez-vous. À quoi leur sert-il cela, frère? Ça leur sert à quoi? Donc, frère, tu vas nous lire à partir du verset 25, s'il te plaît. Luc 10, ça. Hein? Oui, Luc 10, prends la partie du verset 30. C'est pas, je prends la partie du verset 30. Verset 30. Oui. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Donc, voilà, dans ce passage, on a beaucoup d'éléments qui doivent nous enseigner. Vous voyez, on dit un prêtre qui connaît la loi, passé par là. Vous voyez, frère, et il est passé, il a passé son chemin. Un Lévite, hein, parce que Lévite, c'est les gens qui étaient, qui servaient, voilà. Donc, il passe par là, il connaît la loi, il passe outre. Vous voyez, mais quelqu'un qui ne connaît pas, c'est les Samaritains qui sont considérés comme des païens. C'était des païens, de toute façon, puisqu'on voit dans Jean 4, quand on parlait des Samaritains, de la femme samaritaine. Hein? Donc, on dit, lui, passait par là, il a eu compassion de ce monsieur-là. Il a exercé quoi? La miséricorde. Vous voyez, frère? Donc, soyons miséricordieux, parce que la loi nous amène à être miséricordieux. Vous voyez, frère? À regarder les choses comme Dieu voit. Vous voyez, frère? Donc, c'est important. Et à faire autrui, ce que tu aimerais qu'on te fasse aussi. Parce que le frère nous donne ce qu'on a besoin. Hein? En retour aussi, qu'est-ce que nous on fait? Parce que lui, il a plein de temps dans l'appel que le Seigneur lui a fait. Vous voyez, frère, il ne travaille pas. Encore moins sa femme. Mais qu'est-ce que nous, de notre côté, on fait? Vous voyez, frère, donc, il est question que le bon sens veut qu'on réfléchisse aussi. Voilà, pour faire un geste aux frères, c'est important. C'est pas le bon sens, c'est que la parole. C'est la parole dit. C'est ça le bon sens. La parole, c'est le bon sens. Ça ramène l'homme à son bon sens. La connaissance correcte et précise. Vous voyez, frères et sœurs, donc je tenais à insister là, avant que le frère continue, qu'il faut qu'on pense souvent à cela. Vous voyez donc. Amen. Amen. Amen, frère. Sois béni, frère Christian. Amen. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Mon frère Junior, si tu nous entends, mon frère, tu peux revenir continuer. Mon frère. Frère, il a fui. Non, c'est important qu'on parle parce que c'est notre bénédiction, frère. Nous ne dérobons pas de cela. C'est notre bénédiction, frère. C'est important. Le Seigneur dit celui-là ne va pas manquer un verre d'eau, frère. Un verre d'eau peut te dépasser, mon frère Benjamin. À donner à un frère. L'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cache beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on vient de dénoncer, parce qu'on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être changé par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme, c'est pas l'Église. La réforme, c'est pas l'Église. La réforme, c'est pas l'Église. La réforme, c'est pas l'Église. Transforme son ennemi, mon ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient plus. Et même à chercher une église sans tâche mérite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. S'il entend, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh, Seigneur, Seigneur, viens en moi. Nous disons bonjour à la... Ici, c'était nous qui donnions. Là, maintenant, est-ce qu'on a le droit d'aller prendre quelque part pour y rentrer? D'accord? Et pour pas toucher le cas des tontines. Alors, la Bible nous parle de l'épargne à plusieurs endroits. Après d'une vingtaine, trentaine versets de la Bible, que nous allons essayer de parcourir maintenant. D'accord, frère? Maintenant, quand vous parlons, on parle de l'épargne. On voit effectivement les gens qui, quelqu'un qui garde quelque chose, qui conserve de l'argent quelque part ou bien un bien quelque part. D'accord? La terminologie dont la Bible n'utilise pas la terminologie épargne. Mais la Bible utilise la terminologie amassée. D'accord? Et selon cela, sur cette terminologie, alors que nous allons aller voir, je ne sais pas par où on va commencer. Si vous voulez, on commence par l'Ancien Testament ou par le Nouveau Testament. J'espère que cette pluie ne doit pas nous faire couper la lumière maintenant. On va aller dans l'ancien. Choisissez par où vous voulez qu'on commence. On commence par où? Ancien Testament. Ancien Testament. Ouvrons dans ce cas, ouvrons le livre des prophètes, du Proverbe, dans l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous disons un bonjour particulier à la bien-aimée sœur Carole Châtelon qui vient de nous joindre. La sœur Carole Châtelon, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour la présidente de Darmstadt. Vous la voyez là-bas ravissante avec son foulard, attaché là-bas. Avec son foulard. Je crois que quand la sœur Bibi Sandou, voit comment la sœur Bibi Sandou t'admire, quand il voit la façon dont tu attaches ton foulard, elle se demande comment tu fais pour attacher le foulard comme ça. Je crois que c'est Bibi, ce n'est pas compliqué. Il faut seulement la contacter à la suite. Elle va te montrer comment on fait cette ravissante façon d'attacher. Vous regardez son foulard, n'est-ce pas? Bien attaché. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà. Commençons dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, le verset 24. D'abord. Nous parlons dans de l'épargne. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est connecté en détail dont je n'ai pas vu. Bon. Qui va lire donc maintenant? Proverbe 11, verset 24 dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voilà. Soulignez épargner à l'excès. Donc, vous voyez, effectivement, au moins ici, on a écrit épargne de façon claire, telle que vous entendez épargne, n'est-ce pas? Et puis, vous entourez tout autour excès. Donc, d'après ce verset-ci, d'après ce qu'on a de lire, parce qu'il faut qu'on va d'abord lire tous les passages qui en parlent, et puis on va sortir avec la pensée de Dieu derrière. D'après ce passage-ci, si quelqu'un épargne à l'excès, c'est quoi? Il devient comment? S'appauvrit. Et celui qui donne devient comment? Il s'enrichit. Ouvrez le livre du prophète Habacuc, au chapitre 2. Donc, gardez-vous dans le livre du prophète, parce qu'on va y revenir des plus belles. Habacuc chapitre 2, le verset 9. Vous savez que personne ne peut vous aider à ouvrir Habacuc. Vous êtes seul, la seule, chacun est seul chez soi. Donc, on n'a pas de voisins qui peuvent vous aider. C'est dans ce livre-là où on dit que c'est la prophétie tarde, attend, la caille s'accomplira toujours. Moi, vous savez. C'est là-bas. Et c'est dans ce même chapitre-là même. Alors, dans le verset 9, qu'est-ce que ça dit? Il ne sait pas. Attendez, passons que la soeur Bibi n'a pas encore trouvé. C'est Bibi, je n'ai pas encore trouvé. Courage, ça va aller. Ça va maintenant. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, oui, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Écoutez, relis encore ça, parce qu'il faut combien on saisisse la portée de ce que le prophète en a dit. Allons-y. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. En langage simple, le prophète le dit ici, malheur à celui qui utilise des stratagèmes, de mauvais stratagèmes, c'est-à-dire que de façon malhonnête, il amasse pour se mettre en sécurité par des situations difficiles qui puissent arriver. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, quand cette façon fait comme ça, là, il est sous le coup de la malédiction. On continue, frère. Amen. On peut continuer? On continue. Ouvrons le livre de Luc au chapitre 12, lisons à partir du verset 15. Donc, on a par exemple, le ministre qui détourne l'argent pour se mettre en garantie, frère. Il faut venir au Cameroun et puis tu prêches comme ça. Comme j'arrive. Dès que la puissance d'en haut va venir là, on va descendre. Uh-huh. Entre temps, nous prêchons avec quoi ici? Je vois comment tu as le feu à radio, mon nouvel frère. Tant qu'il ne les donne pas le lait. Et là, nos numéros sont surveillés, toutes nos lignes sont contrôlées. On a des regards sur nous. Lorsqu'on roule, on nous suit. Mais nous ne faisons de notre vie aucun cas. C'est ça, frère. Alors, il y a une lutte sur toi, frère. Il y a un raccourci pour rentrer à la maison. C'est ce que ici, il y a un raccourci pour rentrer chez nous. Vous comprenez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui, frère. Mm-hmm. Alors, j'ai dit que le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 15. Gardez, s'il vous plaît, gardez principalement en esprit les versets 24 du chapitre 11 de Luc, des proverbes qu'on a lu, et Habakkuk, chapitre 11, chapitre 2, verset 9 qu'on a lu. Parce que quand on va tourner là, il ne va pas que vous dites que c'est une confusion. Mm-hmm. Luc, chapitre 12, maintenant, verset 15 et suivant. Luc 12, 15. Oui. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Soulignez cette phrase d'abord. Je vais d'abord, avant, pendant que vous allez souligner, je vous pose la question, qui est en train de parler? Le Seigneur Jésus. Voilà. C'est donc pour cela que vous voyez, si moi, fait, quand vous avez posé la question, j'ai tracé ce thème-là, épargne, emprunt, et puis j'ai mis par la suite un mot qu'on va travailler par la suite à l'essai. Et c'est comme ce dont on va travailler dépend maintenant de ce que le Seigneur nous dit ici, justement. Vous voyez, il dit gardez-vous avec soin de toute avarice. Et puis il dit car, parce que le soin de toute avarice. Et vous voyez effectivement que l'avarice ici, c'est cette soif de bien-être, cette collection des choses-là, n'est-ce pas, frère? Gardez-vous avec soin. Ça veut dire que quand il dit gardez-vous avec soin, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de telles enseignes que ça ne puisse pas avoir de l'emprise sur nous. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la quoi, frère? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Si on s'arrête là-bas avant de continuer, je vous pose donc la question, pourquoi les gens épargnent-ils en excès? Si on s'arrête ici sur la pensée, parce qu'il faut comprendre pourquoi le Seigneur Jésus le dit ainsi. Parce que dans ce livre de Luc, chapitre 12, il est question d'un homme qui épargne de cette façon-là, justement. D'accord? Nous ne comprenons pas le plan de Dieu derrière les bénédictions que Dieu nous donne, même si c'est en abondance. D'accord? Alors, je pose la question. Lorsque les gens épargnent en excès, souvenez-vous, en arrière-plan, c'est que le prophète Agabouk a parlé là tout à l'heure. D'accord? Quand les gens épargnent, qu'est-ce qui se passe? Ils préparent quoi au juste? C'est pour se vanter. Oui. Quoi? Pour une sécurité financière. Une sécurité financière. Quand tu entends par sécurité financière, essaie de détacher ces mots pour que nous autres qui n'avons pas fréquenté, nous puissions bien comprendre. Sécurité financière, t'as dit quoi? En gros, ils veulent se mettre à l'abri de tout besoin, en fait. Mais... d'être, ouais, ils se disent que s'ils ont, ils en mangent beaucoup, dans les difficultés, ils ont, voilà. Exactement. Que Dieu te bénisse. L'auto-suffisant. Ça, et vous voyez effectivement que c'est ce que c'est l'un des volets que le prophète Agabouk a dénoncé, n'est-ce pas? Il y a le premier volet que cette personne-là a obtient ces richesses-là par voie malhonnête. Et la deuxième chose dit qu'il veut placer son nid haut. Quand il parle de placer son nid haut, ça veut dire que c'est mettre à l'abri. Un peu justement, quand l'oiseau passe son nid haut, comme l'aigle place son nid haut pour aller pondre ses œufs là-bas, c'est contre les reptiles comme le serpent qui viennent dévorer les œufs ainsi de suite. Ça veut dire qu'il fuit les difficultés pour aller se mettre en sécurité au large. D'accord, frère? Alors ici, le Seigneur Jésus dit déjà d'entrée, gardez-vous avec soin de toute avarice parce que la vie d'un homme ne dépend pas de la... de quoi? De ses biens. Fût-il? Dans l'abondance. Ça veut dire que la vie d'un homme ne se mesure pas avec la quantité de biens qu'il a. Ça veut dire qu'en réalité, Jésus ne met pas le rapport entre la vie d'un homme et ses biens. Mais il met plutôt un mauvais lien. Pas vrai, frère? Il a dit clairement, parce que regardez bien, quand vous prenez par exemple la mathématique, on dit par exemple que x égale à k fois y. Ça se trouve que c'est une constante linéaire. Donc ils sont liés. Alors par conséquent, s'il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de la valeur, de la quantité de ses biens, fût-ce dans l'abondance. Ça veut dire que quelle qu'en soit l'abondance que vous avez, ça ne sert à rien dans votre vie. Ça n'apporte rien dans votre vie en réalité. Alors la question que je pose maintenant, ce matériel, si sert à quoi y exactement? Ça sert donc à quoi dans nos vies? Prenez le temps, notez le livre d'Ecclésiaste. Je crois que cette semaine, c'est lisez le livre d'Ecclésiaste. Vous allez nous sortir avec des grandes bénédictions. Je crois que mercredi prochain, il va faire tout pour vous retrouver ici. On en travaille. Prenez le livre d'Ecclésiaste. Lisez vraiment doucement. Vraiment doucement. S'il y a quelqu'un qui a été dans l'abondance, vous savez de qui est la question, n'est-ce pas, frère? Salomon. Oui, les gens. Allez donc tirer instruction de ce que Salomon en a fait et ce qu'il en a dit par rapport à toutes ces choses-là. c'est un chapitre sur les épargnes, c'est le chapitre d'Ecclésiaste, c'est le livre d'Ecclésiaste. D'accord, frère? Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, la valeur d'un homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ne dépend pas. C'est parce qu'il n'y a pas de lien entre sa vie et ses biens. Mais il montre plutôt danser la suite, que ça peut lui causer des problèmes. Continuons maintenant. Un peu comme le riche qui est venu poser la question au Seigneur, frère. Oui. Et le Seigneur a dit par la suite qu'il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair, quoi. Je crois qu'il y a un enseignement qu'on doit parler ici. Attention, toi qui es riche, l'enfer te guette. Je crois que on va en parler. Notez seulement, toi qui es riche, l'enfer te guette. On va en parler. Parce qu'il y a des gens qui ont des richesses, ils regardent les gens du haut, ils ne comprennent ni comment la richesse est venue. Enfin, pour ceux qui ont la richesse en travaillant. Mais pour ceux qui ont la richesse en sacrifiant, en tuant les enfants et autres là-bas, c'est une autre paire de manches. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils ont vendu leur âme au diable pour réussir. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas souffrir sur la terre. Alors, ceux qui ont travaillé et œuvré avant d'avoir cela, il y a un autre niveau de compréhension qu'il faut amener dans la compréhension de leur richesse. Parce que là, Dieu les a bénis. Et Dieu dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, que lorsque tu seras entré, quand tu vas œuvrer et que tu auras beaucoup de bénédictions, garde-toi et dis dans ton cœur que ce n'est pas tes efforts que tu as fait cela. Vous voyez, c'est Dieu qui te bénit. Parce que quand quelqu'un a un grand terrain, il saigne mes choses, Dieu peut envoyer le Djelek, le Hazim, le Gazim, avec tous les sauterelles, ces grandes armées-là, ils dévorent tout cela. Et s'ils dévorent tout cela, tous ces états ne serviraient à rien. Eh bien, il peut refuser que sa pluie ne tombe là-dessus, dans le Sahel. On voit effectivement comment les gens implorent le dieu vaudou pour qu'il puisse faire tomber de la pluie. Il ne tombe pas de la pluie. Des gens ont de vastes cultures, ils ne tombent pas de la pluie. Par conséquent, la récolte n'est pas bonne. D'autres encore ont de la culture, ils donnent cela, et que les animaux sauvages entrent là-bas, les éléphants dans les zones de l'Afrique australe. Et puis, les éléphants entrent là-bas et saccagent tout. Vous voyez cela? Ou bien c'est les générations qui viennent gâter la culture. Donc, en clair, comme Dieu dit dans ce livre de Job, chapitre 36, verset 12, que les variations varient en fonction de ses desseins. Dieu peut faire varier les températures, le climat sur la terre, de telle façon que ça détruit toutes les cultures sur la terre. Et par conséquent, il n'y a pas quoi que ce soit à boster, à s'enorgueillir en disant que c'est parce que j'ai réalisé, j'ai fait l'agriculture moderne, c'est pour cela que telle chose arrive. Parce que Dieu peut amener une tempête de balises là et vous tombez. Supposons par exemple que vous avez pris un prêt bancaire pour investir par exemple sur 12 hectares. Espérant qu'à l'issue de la culture, vous allez rentrer dans votre fonds et remettre les choses de cette banque-là. Et subitement, il y a une catastrophe naturelle, ça racle cela. Qu'est-ce que vous allez faire avec la banque? Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il faut compter sur Dieu. Ce n'est pas par notre intelligence ni par notre force, mais c'est par la volonté de Dieu que toutes ces choses-là arrivent. Et donc, Dieu donc parle la pensée, et on va voir dans le Nouveau Testament ce qu'il parle pour que les gens qui ont la richesse selon Dieu puissent comprendre. C'est l'une des choses que Jésus est en train de dire ici dans ce livre de Luc, au chapitre 12. Continuons la lecture, frère. Oui, frère, avant de continuer là-dessus, je voudrais vraiment, quand vous avez parlé ça beaucoup, plus le monde, c'est ce que le monde ne comprend pas comme ce passage-là. Oui. Les gens amassent des trésors sur la terre, même étant païen. On prend par exemple l'exemple de Corneille. Il était non païen. Dans le temps, il ne connaissait même pas. Il faisait du bien. Oui. Ça veut dire que c'est dans la volonté de Dieu qu'il y ait des pauvres sur la terre. Oui. Qu'il y ait vraiment ces hommes, ces femmes-là qui est quelque part à côté au voisinage. Ou bien quelque part en train de plaider. Exact. Mais quand il pleure, ça monte vers le Seigneur. Mais toi, tu es là dans l'abondance, au lieu de penser à cet homme. Pourtant, Dieu t'a béni, c'est pour lui. Même que tu sois païen ou pas. Tu connais Dieu ou pas. C'est la volonté justement, c'est la volonté parfaite de Dieu là-bas pour les riches. Et c'est ce qu'on va voir. On va découvrir ça dans les Saintes Écritures tout à l'heure. D'accord, mon frère? Ouais. Continuons. Je sais que vous êtes fâché contre les riches là, qui gaspillent l'argent là. Continuons. Mon frère, je ne suis pas fâché contre eux. Okay, parce que c'est riche. Amen. Voilà. Moi, je sais que je suis riche. Amen. Donc, comme tu as dit, tu es riche, c'est à toi. Quand on va lire ce verset, on va s'adresser à toi directement. Continuons. Il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Je vais répondre. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour vous, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, celliers ni greniers, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter... Soignez, vous seront donnés. Maintenant, je veux maintenant que vous me regardiez. Vous avez lu maintenant, vous avez ça devant vous. Je veux que chacun me dise, maintenant, ce que Jésus a voulu nous dire dans ces passages. Quelles sont les choses que Jésus a voulu dire? On a commencé par quelqu'un, je crois qu'on n'a pas pris là-bas, un monsieur qui a dit au milieu de la foule que maître, partage mon héritage avec mon frère, dis à mon frère de donner ma part. C'est là où Jésus a dit que gardez-vous avec soin. Qui m'a établi juste sur vous? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, il est introduit là-bas maintenant que la vie, enfin, comme on a développé là-bas, puis il parle de cet homme, cet exemple-ci. Et il parle du grenier. Et vous voyez que le grenier, c'est le symbole du lieu de pain. N'est-ce pas, frère? Maintenant, je veux que chacun s'exprime. Qu'avez-vous appris ici que Jésus a nous dit? Le Seigneur dit beaucoup de choses, hein, frère. C'est pour ça qu'il dit que quelles sont les choses que Jésus a dites dont vous avez appris ici. Parce que c'est pour ça que voilà, vous avez la Bible devant vous. Oui, frère, le Seigneur montre déjà par là que tous ses enfants sont bénis d'avance. Oui. Voilà. Il dit toutes ces choses, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En fait, le Seigneur veut par là, par ce passage, que nous ayons la connaissance correcte et précise de sa volonté. Oui. Pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Exercer la miséricorde. Donc, le Seigneur veut qu'on soit, d'abord, c'est-à-dire connecté à lui pour avoir sa connaissance précise. Dans le fruit de l'esprit dont on parle, la miséricorde, la charité, la joie, la paix, toutes ces choses-là. Le Seigneur veut qu'on ait d'abord cette paix-là. Que lui passe tout, il passe premièrement avant toute chose. C'est ça, chercher premièrement le royaume de ses sacrifices. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on aille étape par étape. Donc, tu as commencé vers la fin pour monter. Commençons depuis le début. Là, il a commencé à donner les paraboles, particulièrement par rapport à cet homme qui a été riche. Qu'est-ce que Dieu lui reproche? Son avarice. Son avarice, oui. Parce que Dieu lui a demandé son âme cette nuit-là, pourquoi? En disant quoi concrètement? Sa confiance dans ses richesses et non en Dieu. Il a mis sa confiance dans ses richesses. Oui, effectivement, tout à l'heure, on parlait du fait que quand quelqu'un épargne, c'est pour se mettre en sécurité. Et justement, cette chose-là est ressortie ici. Donc, il sait que ce lendemain, il a au moins les jours heureux devant lui parce qu'il y a la richesse. Il sait effectivement que si la famille vient n'importe où, c'est pour ça qu'il faut qu'il casse, il crée encore davantage de gagner. Un peu comme quelqu'un va épargner, va ouvrir un compte d'épargne à BNP Paribas, ouvrir l'autre crédit agricole, ouvrir l'autre par là-bas, ouvrir l'autre dans les paradis fiscaux. Que si on ferme là-bas, il prend là-bas, on ferme là-bas, il prend là-bas. Après, maintenant, il part maintenant dans les Panamas. Il dit maintenant que sa vie dose bien. C'est pas ça que vous saisissez. Maintenant, regardez l'attitude de cet homme-ci. Est-ce que le Seigneur reproche le fait qu'il ait épargné, ou mieux son attitude vis-à-vis de cette épargne? Son attitude. Dieu dit qu'il aurait été riche pour Dieu, pas vrai? Oui. S'il est riche pour Dieu, donc nous voyons effectivement qu'il y a les riches pour Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur appelle par être riche pour Dieu? Ils sont naturellement riches, non? Mais celui-ci, est-ce qu'il avait vendu les gens pour que ces plantes produisent, frère? Non. Il est naturellement riche. C'est ça que je parle. Oui, celui-ci. Attendez, suivez-toi attentivement. Jésus dit que les terres d'un homme avaient produit beaucoup, pas vrai? Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est l'homme-là qui a fait que ces terres produisent beaucoup? Non. C'est Dieu, non? Donc ça dit qu'il a été riche par Dieu. Sa richesse est venue de par Dieu. Nous sommes d'accord. Gardez bien les mots. Mais Jésus dit qu'il n'est pas riche pour Dieu. Voilà la différence. En fait, ça, selon moi, riche pour Dieu, c'est-à-dire qu'il n'avait pas compris la volonté de Dieu gérer les richesses. Qui lui a donné ses richesses, c'est-à-dire comment gérer, pourquoi en fait il était riche et comment, il y a comment quoi, se comporter vis-à-vis. Il y a de quoi le frère Richard doit lui passer en session normale. Il comprend ces choses-là vite. Il décode ces choses-là vite. Il ne vient pas en session d'été. Vous voyez? Donc ça veut dire que cet homme n'a pas décodé ce que Dieu lui a donné la richesse, ce dont Dieu s'attendait à lui afin qu'il fasse avec ces richesses-là. Il a pensé seulement à lui. Il a pensé seulement à lui. Alors, courons rapidement dans 1 Timothée chapitre 6 et puis on va revenir. Parce qu'on n'a pas encore fini la deuxième partie de ce commentaire-ci, de ce passage-là. Verset 17 à 19, 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 19. On lit vraiment doucement, vraiment doucement. Il y avait quelqu'un qui donne sa connexion. Le frère Yannick est parti aujourd'hui là. Il allait épargner d'abord quelque chose, on est revenu. Ok. Tu as fini d'épargner. 1 Timothée chapitre 6. Oui, verset 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Recommande aux riches du présent siècle, oui, de ne pas être orgueilleux, hein, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Vous avez vu cela? Attendez. Mais... Vous voyez effectivement que, et c'est exactement ce que. C'est là où vous comprenez effectivement que le Saint-Esprit était correct en disant que enseigner à observer ce que je vous ai prescrit. Donc ce que le Seigneur a prescrit, c'est ce que les disciples ont développé pour élever ça, pour que les gens puissent bien saisir. Ici Jésus, dans ce livre de Luc qu'on a lu, Jésus reproche à cet homme-ci de ne pas être riche pour Dieu. Et donc la compréhension de la richesse pour Dieu, c'est ce qui est développé ici. Parce que celui-ci mettait son expérience dans la richesse. Il ne mettait pas son expérience dans le Dieu qui lui a donné la richesse. Alors la question aurait été pour cet homme-ci, waouh, Seigneur, tu m'as tellement béni dans ce moment-ci que je ne m'attendais même pas à ce genre de record. Que vais-je faire avec tous ces records? Richesse. Maintenant, j'ai cette richesse. Il y a certaines personnes qui sont dans le manque. Commencez à distribuer là-bas. C'est ce qu'il en est. Mais d'autres personnes vont dire, ils ont travaillé avant qu'ils lui donnent ma richesse. Je ne donne pas. Vous voyez cela? Voilà. Alors maintenant, continuons, mon frère. Mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Oui. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, oui, d'avoir de la libéralité, oui, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Donc, ouais, effectivement, qu'on conseille aux riches d'amasser un style de trésor. Et il amasse ce style de trésor. Donc, effectivement, qu'il épargne. En investissant, il investit. La Bible déclare, il a, dans ce livre de quoi, Jean, 1 Timothée chapitre 6, qu'il gagnerait bien et mieux en épargnant dans les vies des gens par la libéralité et la bienfaisance. Et on décide dans un trésor qui est basé sur des fondements durables, pas vrai? Mais si je crois que quelqu'un a écrit pour le Job chapitre 31, et prenez le temps là aussi de lire Job 31 là-bas, l'exemple d'un homme riche béni par Dieu et qui avait été irréprochable avec ses richesses. Je crois que c'est Job. Vous allez voir son monologue là-bas dans ce chapitre 31 de Job que quelqu'un a écrit, que Dieu bénisse cette personne qui a mis ça sur le forum. Alors c'est le point là-bas où effectivement comment Job va, tout ce que Job va remarquer et dit qu'il ne faisait pas, c'est ce que les riches font aujourd'hui avec les richesses. Job bénit les pauvres, visite les orphelins. Tous ceux qui travaillent chez lui, il ne les menaçait pas pour donner leurs... Il n'extorquait pas leur truc. Il avait fait même un accord avec ses yeux. Il ne pouvait pas laisser ses yeux passer comme ça sur une vierge. Il ne pouvait pas prendre le... Comme on a dit ici, que cet homme-ci, de ne pas être orgueilleux. Parce que la richesse peut rendre orgueilleux. Et vous voyez effectivement quelqu'un dit, tu t'amuses, t'achètes avec toi et toute ta famille. Il y a des gens qui, quand ils touchent leur salaire, ils viennent dans le bar, ils disent que toi, la fille qui sait ici, là, tu ne sais pas qu'il peut t'acheter avec tout ton bar à cause de l'argent qu'il a. Il dit qu'il va s'acheter. Après, il se fâche. Il donne à boire à tout le monde. Que buvez tous. Je paye. D'abord, ferme même ta boutique. Ta richesse, c'est combien par jour? Je te paye. C'est la richesse qui a de le faire faire des choses comme ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et on dit que cette richesse-là prend des ailes. Alors, donc, la Bible nous a enseigné ici, chers frères, dans 1 Timothée chapitre 6, la façon que les riches, on dit les riches de ces présents siècles, pour qu'on soit, bien on comprend très bien que ce n'est pas des paraboles. On te donne les instructions. Donc, pour que le riche ne va pas là où c'est difficile d'entrer dans le royaume des cieux par rapport à tout d'une aiguille de chameau. Il faut qu'il comprenne que voici son ministère ici. C'est ici donc qu'il doit faire. Voici là où Dieu l'attend. Pas vrai, frère? Et c'est là. Voilà. Maintenant, donc, retournons dans la compréhension du livre de Luc au chapitre 12. Donc, Dieu reproche à cet homme-là le fait qu'il ne soit pas riche pour Dieu. Et le frère Guy Richard nous a signifié effectivement que être riche pour Dieu, donc c'est quoi encore, frère Richard? C'est connaître la volonté de Dieu en fait par rapport à ses richesses, savoir comment administrer ses richesses. C'est-à-dire être riche en bonne œuvre, si on veut dire. Riche en bonne œuvre, c'est qu'on a vu dans 1 Timothée chapitre 6. Mais il l'a amassé pour lui-même. Et Dieu a pris son âme ces jours-là. Alors la Bible déclare. Alors, ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? C'est donc pour cela que l'Absalom avait développé cela en disant, maintenant j'ai fait des grandes constructions. Maintenant, je ne suis pas sûr que celui qui va mériter, va hériter de moi, pourra en jouir des bonnes choses. Et même si je sais de cela, et je ne sais pas s'il peut faire avec ce qu'il y avait comme en pensée. Et par conséquent, il dit que tout cela n'est que vanité. Où est-ce qu'on en est, n'est-ce pas, frère? Alors, nous voyons effectivement que Dieu, ici, dit dans 1 Timothée chapitre 6, qu'il nous donne avec abondance. Donc, effectivement, Dieu peut bénir quelqu'un avec abondance. Mais Dieu s'attend à ce que cette abondante richesse qu'il lui accorde, que ça serve pour l'édification, pour les bénédictions de ceux qui sont tout autour de lui. Si quelqu'un est riche et amasse de cette façon-là, sa richesse et son amassement de biens ou de son épargne n'aura jamais de soucis devant le Seigneur. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure lorsqu'on va lire le deuxième volet de ces choses. Vous y êtes? Notez encore Jacques chapitre 5, verset 1 à 5. Jacques chapitre 5, notez aussi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 33. On y va. Notez Jean chapitre 4, verset 36. Notez. Et quand vous avez fini de noter, je vais vous donner maintenant, alors on va commencer pour en sortir. Après, je vais vous donner encore 5 ou 6 versets encore. Je vous ai dit que c'est plein dans les Saintes Écritures. Notez 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Je crois que tout à l'heure, je vous ai donné le livre des prophètes Agabuc, dans le chapitre 2, verset 9. Alors, ouvrez Jacques chapitre 5, verset 1 à 5. Vous qui êtes en Europe et dans le pays des Blancs, ouais, effectivement que le système de fonctionnement est fait de telle sorte que vous êtes souvent poussé soit à faire à emprunter de l'argent dans les banques, à faire des prêts bancaires, ou bien, et vous voyez effectivement comment ça vous cale au cou chaque fois. Il faut qu'on voit ce qu'il en est. Jacques chapitre 5, verset 1 à 5. Presque tous les Américains sont endettés, tous. Les gens fréquentent, en arrivant à l'université, ils sont déjà endettés. Le père les a légué même les dettes. Jacques chapitre 5, verset 1 à 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Amen. Vous avez condamné... Oui, continue, frère. Vous avez tué le juste qui ne vous a résisté. Je continue. C'est bon. Alors, dans Proverbe chapitre 10, verset 15, vous voyez ici, une fois de plus, la reproche ici est faite parce que ces riches-ci ont utilisé les richesses pour mépriser les uns, condamner les autres, outrager les uns et condamner les autres. Mais pourtant, regardez très attentivement que Dieu a bien fait. De fait, c'est qu'il y ait quelqu'un comme Job dans la Bible que Dieu a vraiment béni. Dans le livre des Proverbes, donc, au chapitre 10, le verset 15, la Bible déclare que la fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Il dit, le premier volet donc, dit que la fortune est pour le riche une ville forte. C'est-à-dire que le riche se croit lui-même qu'il est en sécurité tant qu'il a ses richesses. Puisque c'est là le problème des maladies, il achète ses médicaments. S'il faut fuir quelque part, il peut bribe, je ne sais pas comment vous appelez bribe en français. S'il y a comment on donne la corruption. S'il faut passer outre pour aller quelque part pour s'en sortir, ils peuvent en sortir ici. Devant le magistrat, ils peuvent s'en sortir en donnant de l'argent. Voilà comment ils font ici. Et Dieu dit clairement que le cri de ces moissonneurs qui ont moissonné les champs est monté vers Dieu. Donc Dieu ne va pas laisser effectivement des mauvais riches. On y va. En effet, dans le chapitre 13, verset 8, la Bible déclare que la richesse d'un homme sert de rançon donc pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Chapitre 13, donc verset 11. Quoi que nous avons lu ça aujourd'hui. Des proverbes. Quel livre, pardon? Chapitre 13 du livre du Proverbe, au verset 11. Verbe 13. Verset 11. Verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Encore, frère. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Voilà. La richesse mal acquise fait comment, frère? Diminue. Mais on a déjà dit que pour augmenter, il faut le faire comment? Amasser peu à peu. Pas étonnant que dans le Salomon dit dans ses livres des Proverbes, chapitre 22, verset 1, que une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Vous avez votre chose, vous avez votre conscience claire, vous êtes mieux même que quelqu'un qui a des grandes richesses et qui a acquis ça de façon malhonnête, comme les ministres. Imaginez les ministres qui sont en prison, comme le frère Abraham le disait tout à l'heure. Là. On peut continuer maintenant, frère. Oui, le frère Abraham. Amen. Oui, parce que le père d'Isaac s'appelle comment? Dans Matthieu chapitre 6, souvenez-vous, dans le livre de Luc chapitre 12 que nous avons lu, il y a deux phrases que vous avez soulignées. D'accord, frère? Vous avez souligné deux phrases. Lorsqu'on aura lu, on va y revenir pour voir ce qu'il en est. Par rapport à ce Dieu, on va commenter. Maintenant, dans Matthieu chapitre 6, prenons à partir du verset 18 jusqu'au verset 33. Parce que dans le deuxième volet du chapitre 12 de Luc, le Seigneur a parlé de ces oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, ainsi de suite. Vous vous souvenez, on va rencontrer cela ici et on va se poser des questions. Matthieu, chapitre 19. Oui, prenez le verset 18 en montant. Vous avez entendu ces oiseaux-là qui ont chanté tout à l'heure pour remercier le Seigneur, n'est-ce pas? Il remercie le Seigneur pour cet enseignement, c'est pour qu'on puisse prendre les renseignements sur eux. Continuons. Matthieu, chapitre 6, verset 18. Et suivant, jusqu'au verset 33. Qui va lire donc? Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Stoppons d'abord. Mais amassez-vous des trésors dans attends, le ciel. Attends, frère. Attends, la rouille ne détruise point. Attends, quand tu fuis. Relis encore le verset 19, le premier volet. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Donc, nous voyons effectivement qu'il en a parlé des richesses terrestres. Parce que les bandits viennent, quand ils percent, il vient chercher les richesses terrestres, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Donc, ça il dit qu'on ne doit pas épargner sur la terre. Parce qu'en réalité, si vous avez un endroit où vous épargnez, vous vous retrouverez que votre cœur ne sera pas tranquille parce que tant que cette chose n'est pas en sécurité, vous-même n'êtes pas en sécurité à l'intérieur, pas vrai? C'est clair. De l'autre côté du verset, de l'autre volet, c'est pour ça que vous allez voir que la Bible est totale et complète. De l'autre côté du verset, du volet, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Comment il faut épargner? Deuxième volet du chapitre du verset 19, frère. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voilà, c'est bon. Alors, donc, il dit n'amassez pas le trésor sur la terre où les voleurs et les quoi ne dérobent. Il dit ce côté, il dit que amassez-vous plutôt dans le ciel. Alors, la question c'est comment fait-on pour amasser le trésor dans le ciel? Nous parlons de l'épargne là, n'est-ce pas? Comment, d'après ce que nous sommes en train de lire depuis le matin ici, comment est-ce qu'on fait pour d'après Dieu, pour épargner dans le ciel? En pourvoyant aux pauvres, aux orphelins, aux orphelines, tout ça, aux nécessités, quoi. Amen. Donc, vous voyez effectivement que le faux. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible que les principes chrétiens sont totalement différents des principes du monde. Parce qu'un mondain ne comprendra jamais comment la série des proverbes que nous avons lu aujourd'hui, que tel qui donne délibérément devient plus riche. Il ne comprend pas comment, parce que normalement, quand il va sortir des mathématiques, que si tu as 10 000, tu enlèves 1 000 francs, tu n'as plus 10 000. Comment tu vas enlever? Tu me dis que j'enlève. Il peut vous prendre même un exemple que, ok, voici, je te donne 1 000 francs. Je deviens encore plus riche comment? Parce qu'ils savent que ça, lui, il voit ça, du tic au tac que sa richesse décroît plutôt. Ils ne savent pas qu'arrêter en donnant comme ça, tu en train d'investir. Vous voyez cela? Et donc, et le Seigneur dit ici que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors plutôt dans les cieux. Et maintenant, il fallait donc qu'on réponde à la question, comment faire pour amasser les trésors dans le ciel? Vous avez répondu, n'est-ce pas? Continuons donc au verset 20. Ah, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous entendez ça, n'est-ce pas, frère? Oui. Vous avez vu ce que ça a fait à ces riches-là quand, dans Luc chapitre 12? Vous avez vu ce que ça lui a fait, non? Continuons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Oui. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Qui est maman? C'est pourquoi je... Dieu de l'argent. Dieu de l'argent. Donc derrière cette soif de richesse se cache la soif d'adoration d'une divinité. N'est-ce pas, frère? C'est cela. Notez donc 1 Timothée chapitre 3, le verset 3 à 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11. Notez cela. Voilà. Continue la lecture maintenant, mon frère. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Oui. Ils n'amassent rien dans les greniers. Oui. Et votre Père céleste les nourrit. Oui. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bonne question. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà. Arrêtons d'abord là-bas. Nous voyons petit à petit que le Seigneur Jésus veut toute votre attention maintenant. Je veux que vous me regardiez. Notez Luc chapitre 21, le verset 34. Notez Luc chapitre 21, verset 34. Maintenant, nous voyons, en lisant et en comprenant ce que le Seigneur nous dit, souvenez-vous des deux phrases que vous avez soulignées dans le livre de Matthieu. Enfin, vous allez dans le livre de Luc. Vous les avez encore retrouvées ici. Réalisez les deux phrases que vous avez soulignées d'abord de l'autre côté. Et puis, on va voir pour que je puisse développer ce que je viens de dire là maintenant. Dans le livre de Luc, vous avez souligné deux phrases. Vous avez demandé de souligner. On va commenter au sorti. Pourquoi Jésus, notre Seigneur, appelle les gens d'une certaine catégorie, gens de peu de foi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Jésus dit gens de peu de foi? Manque de confiance, non? Ils ont manque de confiance. Manque de confiance en quoi ou en qui? Au Seigneur. Ils s'inquiètent de manger de vêtements. Oui. Et nous avons vu tout à l'heure dans l'entrée que quand les gens épargnent les richesses, c'est pour faire quoi? Pour un lendemain, n'est-ce pas? Et Jésus, notre Seigneur, lui, il dit que quoi? Qu'on doit se confier. Son lendemain doit être entre les mains de qui? Du Seigneur. Ne pas s'inquiéter. Voilà. Donc, en clair, le Seigneur montre clairement que ceux qui épargnent sans la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ont peur, n'ont pas confiance en Dieu. Manque de foi. C'est ça. Deuxième deuxième chose, c'est quoi souligner? Frère, oui. S'il te plaît. Oui. Oui, parce que j'aimerais que tu expliques bien, parce que certaines personnes comprennent ça parfois. J'arrive, dans l'extrême. J'arrive. Dans le deuxième, c'est pas fini, c'est dans le deuxième volet. On va équilibrer cela, parce que ça sera biblique. D'accord, ma soeur? Ne soyez pas inquiets. Oui. Ne soyez pas inquiets. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que l'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi? Là-bas. Donc, l'inquiétude. On est abattu parce qu'on est inquiet à l'intérieur. Maintenant, allons dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34, dont je vous ai donné maintenant. Notez entre temps, pendant qu'on est en train d'ouvrir, notez aussi Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7. On va lire cela après avoir lu Luc. C'est quelle question qui nous entraîne partout comme ça? 21 verset 34 de Luc, c'est ce qu'il dit, non? Oui. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ses disciples? Et à son retour, on est inquiet, on ne part pas avec lui. Oui, et particulièrement, l'inquiétude se passe pourquoi? Regardez, c'est dans ce passage-là que c'est dit. Justement, ça se passe par le manque d'assurance, oui, du Seigneur. Et par conséquent, les circonstances tout autour commencent à les inquiéter, voilà, au point où ils se soucient du lendemain, de la situation de leur vie, et ainsi de suite. Et en faisant comme ça, Dieu dit ça va détourner notre attention pour ne pas être prêt à sa venue. Pas vrai? Tout à fait. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus a signé deux choses. Le manque de foi en disant qu'en réalité, c'est le fait que les gens se livrent à tue-tête à chercher de l'argent. À faire toutes ces choses, c'est à cause du fait qu'on manque de foi. Et il nous donne l'exemple des vrais chrétiens, les oiseaux, qui ont la foi totale en Jésus-Christ. Parce que quand l'oiseau sort le matin, on dit de lui que il ne sème, il ne moissonne. L'oiseau, vous ne verrez nulle part un oiseau qui dit qu'il part épanier quelque part. Il se lève le matin comme ça, là, il se met sur le truc là-bas, vous entendez comment il chante. Il dit, Seigneur, nous te remercions pour cette glorieuse matinée. Nous savons effectivement que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu vas pouvoir aujourd'hui. Le Saint-Esprit dit que va du côté gauche. Remarquez bien la probabilité pour trouver une nourriture. Il roule comme ça, il va du côté gauche, il voit quelqu'un en train de semer, de mettre son maïs dehors. Qui lui a dit qu'il y avait le maïs là-bas? Dieu l'a conduit là-bas. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui les nourrit. Dans le psaume 104, Dieu dit effectivement qu'il ferme sa bouche et il dit tous les animaux des champs, tous, attendent leur repas de lui. Quand vous entendez le lion commence à faire rah, rah, il demande au Seigneur que qu'est-ce qu'il y a à manger. Dieu lui place une biche là-bas, il dit va dans cette direction. Et il va maîtriser, c'est que la biche là, même s'il va courir n'importe comment, il va se rentrer dans sa nourriture. Donc c'est Dieu qui les nourrit. La Bible déclare qu'il ferme les mains et ils expirent. Il demande, il s'attend, tous les animaux des champs attendent de lui sur leur nourriture. N'est-ce pas si vous comprenez, frère? Donc quand un oiseau mange, quand même un prédateur prend une proie à l'intérieur de la jungle, c'est Dieu qui le veut. N'allez pas croire ce que les blancs disent, non, il faut protéger la couche de quoi, les espèces en disparition. Il n'y a aucune espèce qui est en disparition, donc Dieu, si Dieu veut les maintenir, il va les maintenir. Vous voyez? Parce que quelqu'un, vous ne pouvez pas aller attraper tous les biches, vous allez les enfermer quelque part, que non, les lions les tuent. Dieu, quand le lion va dire que ça y est, je vais manger, s'il ne voit pas les biches là-bas, tu vas les envoyer vers les hommes. Vous allez dire pourquoi vous avez enlevé les biches là qu'ils sont censés manger. N'est-ce pas si vous me suivez? Alors, c'est le manque de confiance qui amène les gens donc à faire ces choses-là. Maintenant, regardons dans l'autre volet maintenant. Ouvrons Proverbes chapitre 6, versets 7 et 8. Nous abordons dans la pente dont la sœur parlait tout à l'heure. Proverbe 6. Verset 7 et 8, je crois que c'est ce qui est donné. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. En fait, vous allez voir, prends à partir du verset 1 pour qu'on puisse voir, au verset 3, en descendant jusqu'au verset 8. Allons-y. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas, frère? Donc, la Bible déclare maintenant qu'on tient instruction de la vie des fourmis. Qu'est-ce que la fourmi fait? Vous voyez effectivement quand la fourmi est chez vous. Vous voyez qu'il y a des pérous, vous ne voyez pas des fourmis. Vous voyez qu'il y a des pérous, vous ne voyez pas des fourmis. Subitement, des pérous, vous les voyez. Quand vous les voyez, ils ne sont pas là pour venir embellir votre maison, non. Tous ces petites miettes-là qui tombent de la table, ainsi de ceux que vous laissez, ils les portent, ils ne mangent pas là. Ils ne partent garder. Ils partent garder. Et Dieu dit qu'il faut qu'on tire instruction de cela. Alors, chapitre 10, verset 5. Chapitre 10, verset 5. On a dit qu'en été, il amasse sa provision. Alors, chapitre 10, verset 5. Cette fois-ci. Verset 5. Oui. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Oui. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Voilà. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Finissons donc avec Ésaïe, chapitre 62, verset 8 et 9. Et puis, je vais vous poser des questions. Ésaïe 32. Ésaïe 62, 6, 2. Verset 7, verset 8 et 9. Verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Produis tes labeurs. Continue, frère. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et Amen. Ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Amen. Alors, dans cette deuxième partie, qu'est-ce que vous comprenez comme résumé? Comme la sœur voulait parler tout à l'heure, et j'ai dit, on arrive. Donc, il faut garder pour l'autre saison. C'est-à-dire qu'il faut garder les récoltes pour manger en attendant la prochaine récolte, oui. Par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire en clair quoi? Les frères, il faut amasser, il faut épargner. Mais comment il a dit donc ne vous amassez pas de trésors sur la terre? Il y a un temps pour amasser. C'est-à-dire que c'est en été, non? N'est-ce pas, frère? Le temps, si. Et là, on a vu dans le proverbe que c'est en été seulement qu'il faut amasser. Parce que le frère dit qu'il y a un temps pour amasser. Quel temps? En été, pas vrai, frère? C'est ça. En fait, le fait d'épargner pas avec le fait d'être riche pour Dieu, en fait, les deux sont intimement liés. C'est-à-dire quoi, le frère Benjeni? C'est-à-dire qu'on peut épargner, mais à condition qu'on soit riche pour Dieu. Bon, tu as tiré la bonne conclusion. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, avançons et trouvons l'autre volet, la tontine. Vous avez remarqué ce que j'ai posté un lien sur le site, sur le forum maintenant. Le titre, vous pouvez regarder le titre. Vous avez remarqué? Les chrétiens face aux réunions mondaines. Et 8 mars, n'est-ce pas? Dans cet enseignement, le volet de la tontine est amplement répondu. D'accord, le frère Yannick a posé la question. Si je vais suivre pour n'importe quoi sur la tontine, il faut suivre là-bas. Et s'il faut en sortir avec les bourses, on sort avec les bourses. D'accord? Maintenant, touchons le cadre de l'emprunt. là. Oui, le frère Oswald, il est où? Il est caché en Jésus. Il est caché en Jésus. C'est pour ça qu'il ne voit pas comme ça. Bon. Alors, la question maintenant, c'est que les chrétiens devraient-ils emprunter pour investir ou quoi que ce soit? Avec tout ce qu'on nous a entendu aujourd'hui, là maintenant, depuis le livre des Thérèmes que nous avons lu, que tu prêteras, tu n'emprunteras pas entre les mains des nations, normalement, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en fait que les autres doivent plutôt dépendre de toi et pas toi d'eux. Ça dit, est-ce que les chrétiens devraient aller commencer à s'engager dans les dettes? Normalement, non. C'est-à-dire quoi? Comment? Pardon, puisque on peut prendre cas par cas. Si on prend le cas où ils voudraient prendre cela, parce que vous avez beaucoup décidé d'emprunter pour pouvoir investir pour l'éducation de vos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. En prenant cela, en allant prendre à la banque pour pouvoir avoir votre maison, vous allez vouloir préparer un abri pour votre enfant et pour votre famille. Mais qu'est-ce que le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7 disent? Ne vous inquiétez de rien. Oui. Et en tout temps, faites comme ça, dire aux besoins par des prières, des supplications. Oui. Faites de Dieu qui se passe pour pagaire. Donc, en clair, si un chrétien a besoin de la maison et autres là-bas et qu'il voit qu'il y a la pression pour aller emprunter de l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire véritablement, normalement? Faire connaître ce besoin au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'il y a les bruits chez quelqu'un là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, amen. Vous voyez, c'est vrai que beaucoup de choses peuvent nous arriver au point où nous pensons à la mort. Ou bien nous pensons même que des choses vont nous arriver si on ne fait pas. Il y a quelqu'un qui... C'est quelqu'un là, c'est... Le pluie des petits-enfants. Le pluie des pleurs des enfants. Oui, le pleurs des pleurs des enfants. C'est chez moi. Ok. Donc, souvenez-vous, le Seigneur a dit de ne pas avoir peur du lendemain. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que si on prend le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur, comme notre Seigneur, comme notre gouverneur, comme tout notre capitaine, il faut qu'on lui fasse confiance. Nous n'allons pas mourir. D'accord? Nous n'allons pas mourir. Il a dit plutôt que quiconque vit et croit en lui ne verra jamais la mort. Prenons une respiration avec ces cantiques et on revient tout juste après. D'accord? Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord. La France dans la sainteté, on se prend à tout à l'heure, d'accord? On se prend à tout à l'heure, on prend une respiration musicale et on revient tout juste après.